Nous allons reprendre la partie là où elle s'était arrêtée, juste après que vous ayez quitté les égouts de Karf, et vous vous dirigiez une dernière fois vers l'auberge qui se trouve juste à côté de la ville. Vous avez donc décidé, si je ne dis pas de bêtises, de passer la nuit et de repartir le lendemain matin. Oui. Oui, monsieur. Très bien. Le soir même, vous vous installez, vous mangez, vous profitez pardon, du fait que le juge vous ayez avancé l'argent pour vous prendre également un petit déjeuner copieux dès le lendemain au réveil. Vous quittez la ville et les silhouettes des grandes murailles commencent à disparaître à l'horizon derrière vous. Et vous vous retrouvez à nouveau seul, perdu, au milieu de cette vaste étendue de cratères et de ruines. Ces forêts de pierres qui s'enchaînent les unes après les autres. De temps en temps, vous croisez les restes d'un campement. Parfois même des feux qui ont dû être allumés il y a à peine une ou deux nuits peut-être. Vous voyez même des traces parfois de pas dans le sable, dans la poussière plutôt. Certaines humaines, d'autres animales, qui se dirigent de temps à autre vers l'une des nombreuses forêts que vous croisez sur le chemin. En effet, depuis que le printemps est arrivé, les forêts sont beaucoup plus présentes. Non pas que de nouveaux arbres soient poussés, mais leurs feuilles créent vraiment un épais manteau que vous voyez au loin et qui vous rappelle enfin de nouvelles couleurs que vous n'aviez pas vues depuis vraiment longtemps. Et puis au bout d'un moment, alors vous êtes encore sur la route principale, celle qui se dirige du coup vers Justicienne. Le vert et le jaune se mélangent à des flaques de sang. Elles doivent être peut-être à 500 mètres au loin devant vous. Mais vous les voyez distinctement. Un flot de sang au beau milieu de nulle part. Avec quelques silhouettes. Sans doute des silhouettes humaines mélangées avec celles des rochers. Mais aucune âme à l'horizon. Alors que vous vous rapprochez, vous distinguez de plus en plus que vous êtes les témoins de ce qui semble être un véritable massacre. Un champ de bataille où des spitaliers, sans doute en route vers la ville, ont été déchiqueté. Au sol, vous voyez des chevaux éventrés, des hommes à la tête coupée. Certaines ont été installées sur des pics. Pics. D'autres n'ont même pas eu le temps de sortir leurs armes. Ils sont là, au sol. Vous voyez des mouches et d'autres bestioles qui en profitent pour se nourrir et qui s'envolent dès que vous vous approchez. Il y avait pas ouais. L'hospitalier qui partait en mission, enfin, nous on partait. Il me semble. Est-ce que on reconnaît des personnes ou peut-être des signes distinctifs qui pourraient nous dire si c'est des gens qu'on connaît? C'est moi. Le village. Un jet d'instinct perception. Avec un bonus de 1, étant donné qu'il s'agit de ton culte. Ok. Et une difficulté de 2. Ça fera 4. J'ai 2 succès. En effet, tu reconnais certaines personnes. Il s'agit d'un bataillon nouvellement formé, qui doit avoir que quelques semaines à son actif. Parmi eux... quelques famulanciers comme toi, mais également des préservistes, plus expérimentés. Certains d'entre eux étaient peut-être là, Moon Luther, en effet, mais pas tous. Et tu sais que ce bataillon est justement celui qui est commandité par Sarah Rash, qui elle, pour le coup, était à Moon Luther. Mais tu ne la vois pas parmi les corps. Et d'ailleurs, les corps, ici et là, se mélangent à d'autres silhouettes, celles des cafards. Oui, je me disais bien que ça que c'était eux. Ouais. Oui. Donc là, on est sur un combat. On est sûr. Un combat qui s'est tenu là. Et au vu de la masse, y a autant de cafards que de. Malheureusement, non, il y a bien. Un cafard pour 3 hospitaliers. Ouais. Oh. Est-ce que je peux arriver à... Ils ont déjà pris d'assaut dans la nuit, comme nous, ça nous est arrivé. Avec Abby. En effet, vous voyez que le sang a déjà un peu séché. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai voulu savoir si j'aurais pu essayer de voir quand... en regardant les corps, quand ça s'est produit, ou essayer de donner une idée de... Pour plus de précision, tu peux en effet me faire un jet de médecine. Alors... avec une difficulté de 3. Intellect, médecine. 6. On demande de faire des bons dés. Alors, hop. J'ai 4 succès, un déclencheur. Ouais, tu constates qu'ils ont dû être attaqués dans la nuit. Donc cette nuit. Enfin, la nuit qui est passée. C'est ça, peut-être même au petit matin. Et là, il est quelle heure? Ils ont dû partir quelques heures avant vous. Là, il doit être aux alentours de 9-10 heures. Vous êtes parti au lever du soleil. Ça fait pas longtemps, alors. Enfin, en soi, si c'est au petit matin, que ça s'est passé... Ils sont peut-être morts il y a... heures. C'est ça, 3-4 heures, peut-être un petit peu plus. Bah du coup, en regardant ça, je... Bah écoute, Mokosh, Abby, ça doit faire à peine quelques heures que ça s'est produit, donc il faut qu'on soit sur nos gardes. S'il reste des cafards dans le coin, on devrait mieux faire attention. Tu vois également des traces de sang qui se dirigent en direction de ruines, non loin de là. Ok, ben je pense que c'est une bonne idée de suivre. Peut-être qu'il y a encore des. Il pourrait y avoir des blessés ou quelqu'un qui pourrait nous... De ce qu'on a vu avec Abby, les blessures, ça n'a pas l'air de trop les embêter. Okay. Alors, s'il y a un type qui a rampé, c'est que c'est sûrement pas un d'entre eux. Ça doit être un des gentils. Ouais, je veux dire, on a vu une femme. En feu, qui continuait à nous tirer dessus au mieux d'essayer d'éteindre le feu. C'est ça. Effectivement, c'est... D'ailleurs, pour vous décrire un petit peu plus la scène, à votre droite, Il y a une espèce de petit bosquet, quelques arbres qui s'étendent sur peut-être 500 mètres. C'est sans doute là qu'est survenue l'attaque. Les ruines, quant à elles, se trouvent plutôt à votre gauche, un petit peu en hauteur. Ça, il y a une légère pente qui mène à quelques maisons qui se sont effondrées avec le temps. Du coup, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous dit d'essayer d'aller voir où mènent ces traces de sang pour peut-être trouver un rescapé ou quelqu'un à interroger ? Bon, ouais, pour voir, même si c'est pas trop de nos affaires, on devrait se dépêcher, mais... Ouais, c'est vrai qu'on a toujours un juge hein, qui nous attend. Hein. Mais c'est bon. Sûr, mais bon, là, c'est vraiment à côté. Si on peut, ne serait-ce qu'au moins avoir des indications sur les assaillants, et puis pour nous protéger quelque part et prendre peut-être une autre direction. Ouais. C'est toi le cerveau, putain. Le cerveau. Écoutez, moi, je vous propose maintenant. Écoutez, si vous voulez, on y va. Et soyez sur nos gardes, on sait jamais. Mais j'avance, je commence à y aller. Très bien. Avec mon bâton en avance, et avec mon dilacérateur dans les mains. Pas un fusil plutôt. Oui. Je suis en tout cas. Très bien. Alors que vous vous approchez, vous entendez des cris au loin. Des cris presque animaux, des cris de douleur, comme si... une personne était en train de se faire peut-être torturer. Vous savez pas trop. Au moment à l'endroit où vous arrivez devant les ruines. C'est ça, vers l'endroit où vous vous dirigez. Lorsque vous vous rapprochez, vous entendez plusieurs voix qui discutent. L'une d'entre elles semble poser des questions. Au ton qui est employé, et puis un petit peu... à la manière de s'exprimer, vous imaginez qu'il s'agit sans doute d'une personne de la ville. Et pas d'un sauvage venu des bois. Ça me rassure un peu déjà. Et puis, au-dessus de toutes ces voix, vous entendez celle d'une femme. Une voix très autoritaire, qui commence à donner des ordres. Est-ce que je reconnais la voix ? En effet. Ouais, c'est celle de la chef... du contingent. Bah du coup j'y vais confiant et un peu avant d'arriver vers eux, je me signale pour pas que vu qu'ils sont en état d'alerte, pour pas qu'ils nous prennent pour des ennemis. Très bien. Tu t'approches, tu te fais signaler d'une manière. On va dire quelconque en soi, j'imagine avec un simple raclement de gorge ou je suis, en tapant ouais, sur le mur avec ton bâton. Oui, c'est Thoric. N'ayez crainte. Tu vois, là, il y avait un mec qui lui était sur le côté en train de soigner un blessé et qui fait un léger sursaut quand il t'entend, puis qui se retourne vers toi et qui se pose tout de suite vu ton uniforme. Ça le met en confiance. Que s'est-il passé ici ? On s'est fait attaquer. Putain, on n'est plus qu'une poignée. Vous êtes combien ? Voyez-vous-même. Quoi ? Il y a personne d'autre avec vous ? On n'était pas censé porter assistance. On ne faisait que se rendre. À la justicienne, ou je sais plus où on en est d'ailleurs. Non, on va pas du tout à la justicienne. Enfin, on va à la carafe. Non plus. Non, c'est de là où on vient. Je sais plus. Bah, bravo, Thoric. Hein. Je sais plus. J'ai plus de mise à jour. On partait au nord, voilà. On part au nord, voilà. Ok, très bien. Et là, vous avez la silhouette imposante de la chef des préservistes qui se dirige vers vous. Yeah. Alors l'état des troupes, vous avez réussi à les mettre en déroute ou c'est vous qui vous êtes enfui? Ouais, enfin. Bah non, ils se sont fait manger tout cru, ils ont pas ce qu'il faut. On était en sous-nombre. On a quasiment rien pu faire. Et ils nous ont attaqué par surprise. La plupart d'entre nous. Enfin, j'imagine que vous l'avez vu. Oui. Mais bon. Dans leur hâte et dans leur fuite, ils ont abandonné l'une des leurs. C'est là que, un peu plus loin, vous voyez la silhouette justement d'une claniste attachée par les mains ligotées à une espèce de poutre qui tenait encore au niveau du mur. Il y a des flots de sang qui coulent le long de ses doigts et vous voyez deux hommes avec des couteaux et des poignards juste à côté d'elle. Et est-ce le qu'elle est... Le spectacle n'est pas très beau à voir. Est-ce qu'elle est dans le même état que... ce qu'on avait eu, enfin ce que pour ma part j'ai croisé quand on était avec l'autre hospitalier, dans le sens où les blessures ne lui causaient aucune peine. Enfin, elle avait fais-moi pas... un jet de science ou de médecine. Tom qui a fait c'est les mêmes hein, de toute façon. Ça fait 6. Alors, j'ai 2 succès. Tu regardes et assez facilement, vu l'expression faciale qu'elle arbore, tu comprends que non, elle est complètement dans un état normal. Elle semble vraiment souffrir le martyr. Peut-être qu'elle fait semblant, Doric. Il lui manque plusieurs dents, tu vois qu'elle te regarde avec un air mauvais. Directement, via ta tenue, elle t'associe à ses tortionnaires. Et elle crache un flot de sang à tes pieds. Oui, bah moi j'ai gardé un mauvais souvenir du sang de mes œufs. Je me pousse, je vais pas m'approcher. J'avoue que je suis pas encore certain de mon jugement. Du coup, je préfère déjà en référer avec la demoiselle qui est la chef. D'ailleurs, en parlant de ça, fais-moi un jet de volonté. Puisqu'une nouvelle journée est passée. Un jet de volonté. Je te l'ai dit, Sato, Tori qui l'a mal tourné, tu vas voir. 3 succès, et un déclencheur. En la regardant comme ça, tu te rappelles, tu te remémores un petit peu tout ce que vous aviez vu la dernière fois. Et ça semble t'inspirer à garder une espèce de self-control plus qu'impressionnant. C'est... Au fond, toi, tu te dis, je veux pas ressembler à ça. Ah non. Non, je veux pas, non. Tu te détaches complètement de ce que tu vois devant toi. Bah du coup, je passe à autre chose. J'essaie de me renseigner... sur ce qui resterait, d'où est parti le groupe, puisque nous on continue notre trajet, donc si on pouvait éviter de tomber sur eux derrière un bosquet ou je ne sais quoi. Ils sont repartis dans les bois avec des prisonniers. J'imagine qu'ils vont les interroger et puis. Et puis les manger. Non, pas ceux-là, non. Non, ils vont simplement les écorcher vifs, les écorcher vifs et puis les décapiter et accrocher leur tête sur une pique. Oh, bah si, c'est seulement ça. Ouais, ils sont sympas. Et les bois, c'est notre direction par la suite ou pas du tout? Bah, vous les longez un petit peu, malheureusement. Ah ouais, donc... c'est vachement cool. On a de la chance qu'ils soient occupés. Oui. On a de la chance qu'ils soient occupés. Bah oui. Je suis sûr qu'on a vécu bien pire. Ah, bah je sais pas tout ce que vous avez vécu pendant mon absence, donc Mais ça a l'air d'être... Vu dans l'état où je vous ai vu quand je suis revenu, j'imagine que c'était pas joyeux, quoi. Non, en vrai, oui, il faut faire gaffe, mais de toute façon, on peut pas annuler le trajet. Hein. Non, je l'entends bien. Après, c'est juste que c'est bien de savoir qu'ils sont dans le coin pour qu'on soit bien plus sûr. Aux aguets, quoi. Oui, mais c'est vrai que du coup, oui, il va falloir qu'on fasse preuve d'un peu de discrétion. Ouais. Bah, du coup, j'avoue que je sais pas trop quoi dire de plus. C'est comme vous voulez. Vous pouvez rester ici, un petit coup de main et on pourrait faire la fin de la route ensemble. Alors, vous pouvez tenter votre chance tous les trois. Vous serez plus discret, mais bon, plus vulnérable aussi. Bah, par coup de main, vous entendez quoi? Bah, vous êtes médecin et on a plus de blessés que d'hommes en état, alors... Ouais, mais je sais pas si vous a manqué, mais en fait, mais est ça trois, implique combien de et on a qu'un médecin. Puis après, nous, on est pressé par le temps. On a un rendez-vous assez important à... Mm-hmm. Vous inquiétez pas, moi aussi. Du coup, je ne sais pas combien de temps ça prendrait de soigner les blessés et de... Ça pourrait prendre un certain temps. Écoutez, de toute façon... Perdu pour perdu, si vous voulez y aller, allez-y. J'en vois combien, là de, comme en ça, tout, ils doivent être peut-être une dizaine, dont 4 ou 5 au sol, assis sur des espèces de... Enfin, allongés à même la pierre. Et donc, et ceux qui sont dans l'urgence totale, est-ce qu'il y en a qui sont plus urgents que d'autres ou c'est quelque chose de l'autre côté, être... tu vois deux autres hospitaliers qui ont l'air de s'activer sur l'un des malades. Bah, à la et limite, puis, vous deux, je peux essayer. Même si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez toujours monter le guet. Hein. Même si on vous a pas vu venir. Justement, si on vous a pas vu venir, c'est bien qu'on en a besoin. On n'est jamais trop prudent au cas où ils tentent une deuxième charge. Bah, à la limite, moi je veux bien quand même, parce que ça reste quand même des hospitaliers, hein, c'est des gars de chez moi, au moins essayer de voir, de donner un coup de main pour celui qui est le plus amoché. Bon, après, je m'excuse quand même aux filles, hein, en disant, mais vous pouvez comprendre que c'est quand même ma vocation première de soigner, et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi. D'ailleurs, c'est vrai que tu trouves ça quand même légèrement étonnant qu'elle te propose que vous repartiez la route comme ça, alors que en soi elle est complètement dans le droit de donner l'ordre de rester, mais visiblement, malgré la situation, ça ne la dérangera pas plus que ça que vous tentiez votre chance à votre tour. Moi non plus. Bah écoute, moi je lui propose juste, alors je demande quand même aux filles, hein, je veux pas faire ça tout seul, mais au moins celui qui est le plus amoché, et après c'est bon, on y va. Très bien. Fais-moi un jet de médecine avec une difficulté de 4. Oh putain. Quand tu t'approches de lui, tu vois qu'il a été complètement ouvert au niveau du flanc. Et visiblement, la blessure est empoisonnée. Parce qu'il y a une espèce de bave qui s'écoule. Alors, j'annonce, il sera guéri. Combien? Alors, j'ai vu 5 succès, dont 2 déclencheurs. Eh bien, écoute, pour une difficulté de 4... Tu t'en sors très très bien. Tu t'approches du médecin. Tout de suite, ça te rappelle un cas que tu avais déjà eu à traiter. Le poison, lui, tu le connais. Il est pas si dangereux que ça, une fois qu'on sait comment le traiter. Vous avez besoin de quelques plans, de quelques conneries. En fouillant dans les trousses des médecins qui sont autour, tu trouves rapidement de quoi t'as besoin. Et là, d'un coup, tu te transformes un peu en chef de cabinet. Tu commences à donner des ordres aux mecs sans savoir s'ils sont en dessous ou au-dessus de toi hiérarchiquement. Tu lui fais, tiens, toi, apporte-moi ça, toi, fais ça, maintiens-le. Tu t'approches de la plaie. Tu commences par désinfecter. T'appliques 2-3 traitements. T'essayes de le... Comment dire, de le... maintenir en état. Puis, au bout de quelques temps, vient le moment où tu vas tenter de recoudre la plaie. Malheureusement, vu la situation, soit il s'en sort maintenant... soit, dans tous les cas, vous pouvez pas vous permettre de le laisser ici quelques jours avant de le ramener, quoi. Vous êtes pas dans un hôpital. Oui. Une fois l'opération terminée, même s'il est très faible, tout a l'air de s'être plutôt bien passé. Et pendant que t'entendais les cris de ton patient, parce que l'anesthésie commençait à manquer, donc en pleine opération, sa voix commençait à se mélanger aux cris de la claniste juste à côté, qui continuait de se faire tabasser et torturer par les deux hommes, tout ça sous le regard et sous les ordres de Sarah. De votre côté, Mokosh Abby, je sais pas si ce qui se passe devant vous vous force ou vous invite à réagir, ou si vous vous contentez juste de regarder ce qui se passe. Moi, je suis plutôt dans l'idée de regarder les alentours plus que la scène, je m'en fiche. Enfin, pas je m'en fiche, mais enfin, c'est mieux l'extérieur. Très bien. Moi, je suis Mokosh pour le coup. De votre côté, voilà. Vous faites un petit peu comme si rien ne se passait. Vous regardez de temps à autre à l'horizon. A priori, rien ne se passe. Aucune silhouette. Et puis vint le moment, Torik, où ton patient commence à se redresser sur lui-même, avec l'aide de ses collègues. Et puis il commence à faire un pas en avant. Puis, il manque de tomber, mais il est de nouveau stable. Tu vois à son état qu'il est vraiment mal en point. Mais a priori, il est sauvé. Ton aide était vraiment la bienvenue dans la situation. Car les autres médecins qui étaient là, comparé à toi, étaient absolument pas... absolument pas capable de traiter cette blessure. Écoute, ça me fait toujours plaisir de sauver un frère. C'est du bon boulot. Tu vois la chef qui te félicite... avec un regard approbateur. Écoutez, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense que nous allons devoir partir car un rendez-vous très important nous attend. Prenez soin de vous quand même. Vous inquiétez pas. Et si jamais vous croisez une patrouille, n'hésitez pas à leur signaler notre présence. On risque de rester ici encore quelques heures et puis si jamais les renforts arrivent, on est en train de libérer les prisonniers. D'accord, je leur donnerai votre position, mais essayez quand même de faire en sorte que le patient que je viens de soigner ne force pas trop, parce que ça reste quand même assez frais. Très bien. Du coup, je me dirige vers Mokosh et Abby, et je leur fais signe que c'est bon, on est terminé, et okay. Que si elles veulent, si on peut y aller, bah allons-y. Il est maintenant aux alentours de midi d'ailleurs, et vous sentez quand même que vous commencez à avoir faim. Malgré les visions peu ragoûtantes que vous venez d'avoir. Est-ce que vous en profitez pour manger ici ou vous préférez faire ça un peu plus tard? Je sais pas, ça dépend des autres. En vrai, genre la faim, c'est genre... En vrai, tu peux t'arrêter quand tu veux pour manger, donc... On peut manger en marchant, de toute façon. Bien sûr. Bon, après, c'est quand même sympa de faire un petit pause. Mais c'est vrai que, genre, on peut très bien se dire on marche une heure ou deux, après on fait une pause. Et... voilà quoi, genre. Oui, de toute façon, on a acheté avant de partir assez de rations pour tenir le trajet. Donc, ça, c'est pas un manque, on le sait. Donc, vraiment, c'est quand vous voulez qu'on s'arrête pour manger. Alors, du coup, question avant de vraiment qu'on. Là, on prend quelle direction ? Exactement. Est-ce que ça suit le là, vous allez vous diriger vers le nord, en effet. D'ailleurs, oui. Est-ce que vous comptez passer par la ville, donc la capitale, ou l'éviter et simplement tourner un peu avant et reprendre le chemin de l'est? Parce que c'était ça, en fait, quand j'ai dit la justicienne, je pensais qu'on allait faire le tour par la justicienne pour être plus safe, en fait. Et de toute façon, on passe par, par ce genre de chemin. C'est pas un problème. Non, la... intéressante. Je peux vous reposter la carte si vous le souhaitez. Bah, il nous avait mis sur la carte justement les zones par où on devait passer et que en passant par la justicière c'était safe, enfin du moins plus safe. Ou alors on pouvait couper et là on s'exposait justement. Non mais à on passe par justicienne, mais c'est pas notre. Oui, oui, mais c'est pour ça en fait que j'ai dit justicienne tout à l'heure, parce que je me suis souvenu qu'on allait quand même faire un espèce de léger détour. Mais je t'avoue que pour l'instant, la question de est-ce qu'on passe en vie ou est-ce qu'on détourne, je sais pas, je propose à limite. Oui, vous préférez, vous pouvez bien sûr continuer vers le nord-est et puis. Ah, oui, oui, on peut pas. Vous décidez au dernier moment de passer ou non par la ville. En fait, genre, ça dépend. Genre, imagine sur le trajet, on se fait attaquer ou quoi, on est blessé, bah autant s'arrêter à la capitale pour se faire soigner, tu vois. Mais après, si on dit bon, bah autant gagner du temps et ne pas s'arrêter en ville, parce qu'en ville, il se passe toujours plein de trucs, je suis sûr que ça peut partir en gros, donc. Voilà, tu vois, genre, on pèse le poids le compte quand on arrive proche de Justicienne. Voilà. Oui, oui, oui, bah en fonction de l'état dans lequel on sera au moment où on arrive aux alentours de la Justicienne. Ok, ouais, y a pas de souci. On fait ça. On voit sur le moment. Ça marche. Vous repartez. Lorsque vous passez au niveau des cadavres des hospitaliers, vous commencez à sentir une espèce d'odeur. Nauséabonde. Visiblement, le fait qu'il soit abandonné là en plein soleil ne réussit pas trop. Vous les contournez et puis vous reprenez votre chemin. Alors là, tout de suite, le bois à côté de vous commence à émaner une espèce d'aura dangereuse. Enfin, dangereuse. Vous l'avez d'un mauvais œil, quoi. Vous vous dites qu'à n'importe quel moment, vous pourriez tomber sur des tas et des tas de cafards qui sortiraient et qui vous mettraient en pièces, comme ils ont mis en pièces tout le contingent qui était là juste avant vous. Et vous finiriez juste par rejoindre les corps au sol, et tout le monde vous oublierait. Est-ce que vous en profitez d'ailleurs pour éviter légèrement le chemin ? C'est vrai que vous pouvez tout simplement passer... à quelques mètres de celui-ci pour peut-être être légèrement plus discret. Mais c'est vrai que ce sera moins praticable et forcément, la longue, vous en serez un peu ralenti. Moi, je sais pas. Je me souviens d'un garde dans un autre univers qui me disait surtout, vous n'avez pas du chemin, il n'y a pas d'aventurier. Du coup, je me demande si c'est pareil. Non, ouais, je... Bah, je pense qu'à l'occasion, quand on le sent pas trop bien, on s'éloigne un peu, tu vois. Mais on va pas trop à des kilomètres. Après, je serais. On est bien d'accord que j'ai toujours avec moi l'espèce d'habit hein, pour recouvrir la combinaison que j'avais. Bien sûr, si tu veux. Du coup, comme à la base, ils ont attaqué les hospitaliers, j'aimerais déjà au moins, moi, cacher un peu mon apparence. Ça, c'est pas pour moi. Que. On soit pas genre. C'est vrai que même ciblé, si les cafards ont pas vraiment de. Enfin, de cible prioritaire, mais c'est vrai qu'ils attaquent plus souvent les groupes d'hospitaliers et de juges. Oui, bon. Moi, on est bien d'accord, j'ai enfilé l'ombre noire. Hein. Bien sûr. Du coup, moi, je j'ai tendance à. Ton armure qui luit en plein soleil. À de tenir chaud, c'est pas vrai. Je me recouvre alors du coup de cette de mon manteau. Bah en soi c'est vrai qu'elle te tient plutôt chaud. Après t'es pas obligé non plus d'en mettre la totalité quoi. Je veux dire tu peux l'ouvrir un petit peu vers le haut. D'ailleurs je demanderai le jour où t'as du temps à perdre un redesign du dessin de. Ça pourrait être vraiment cool ouais. Faire d'actualiser un peu. Mais non, enfin, genre, moi après, bon, je suis pas non plus. Si on peut éviter la confrontation, ça m'ira, mais au pire, bon, s'il me tue, j'aurais vécu, je suis content. J'ai eu mon ombre noire à partir de maintenant. Et j'ai plus de. Typical pensée apocalyptique. Du coup. D'ailleurs, sur ce chemin, est-ce que vous discutez de certains. Bah justement, je voulais amener ça. Bah. Du coup, moi, j'ai mis ma machine là sur le dos. Et pour un peu casser cette ambiance un peu morbide qu'on a eue juste avant, j'avais un peu envie d'amener une conversation et de dire « Bon alors les filles, Vous avez envie de parler de quoi là? On va changer un peu de sujet, enfin un peu d'ambiance là. Un peu... Mais t'es l'Asie, qu'on s'ennuie là. Tom. Vous avez rien à me raconter? Vous voulez rien savoir? Tu savais que je faisais du trafic de drogue? Non, ça, j'ai toujours su. Oh mon dieu! Il le savait. Non, en vrai, bah si, moi j'en profite évidemment pour demander à Torik si, dans son aimable gentillesse, c'est pas vrai, je demande un truc à Torik, je sais pas trop comment formuler ça. Est-ce que les spitaliers sont assez sympathiques pour partager leur savoir et pourquoi pas du coup m'apprendre un peu plus sur les légendes qui entourent notre monde? Gentil Torik que j'ai toujours respecté. Après, je sais bien que tu as. Nous avons un. Ça va au-delà du respect entre nous. Nous sommes malgré tout des amis. Sinon, je ne serais pas là avec vous. Simple anabaptiste. Voilà. Écoute. Que veux-tu, qu'aimerais-tu savoir spécialement? Est-ce qu'il y a des choses, enfin, si je peux t'aider, hein, bien sûr, hein, parce que je ne connais pas tout. Juste, c'est bon, tu vois, genre l'hospitalier, ça voyage et tout, et genre, moi, il y a un truc qui m'a passionné toujours, c'est les histoires que racontent les gens, tu vois, les légendes, tout ça. Et c'est quelque chose auquel j'aimerais m'y connaître, mais le problème, c'est que bah, j'ai pas passé beaucoup de temps à ma vie à apprendre ce genre d'histoire. Et peut-être que tu t'y connais mieux que moi en légende. Alors, est-ce que si je fais un jet en légende, du coup en intellect légende, hein, parce que, échec critique, il y aurait quelque chose que je peux me rappeler ou que j'ai en tête. Bien sûr, tu connais plusieurs histoires sur l'hospitalier. À voir si tu veux justement raconter une histoire qui parle directement d'hospitalier et d'hôpital, ou simplement une légende sur le monde qui vous entoure que tu auras pu lire dans des livres, en étudiant dans la bibliothèque présente justement à l'hôpital. On va dire que de prime abord, comme ça, je vais penser déjà hospitalier, hein, sur les légendes hospitalier, parce que c'est ce que je connais normalement le mieux. Après, elle n'a pas été spécifique, elle a parlé de légendes. Ouais. Donc, après, Donc, dans un premier temps, oui, sur hospitalier. Propose un truc. Ouais. C'est que donc, tu ne connais pas vraiment non plus tout le background qui entoure les hospitaliers. C'est que tu me dises le nombre de dés que tu possèdes en légendes. Que je fasse le jet moi-même et que sans te dire le résultat, je raconte un petit peu, donc par l'intermédiaire de Torik, une histoire sans vous dire du coup si elle est vraie ou fausse. Parce qu'évidemment, il y a certaines histoires qui entourent l'hospitalier, enfin l'hôpital, qui sont complètement fausses et d'autres qui, au contraire, ont une part de vrai. Bah, du coup, que j'ai 0 en légende mais que j'ai 3 en intellect, donc ça le fera 3. Oui, tu vois, mais la question c'est pour mon apprentissage à moi. Si jamais son histoire est fausse, est-ce que du coup... le truc c'est que du coup, tu peux pas considérer que je m'améliore en légende. Tu vois le truc? Ouais, et bien du coup de ce point de vue là, c'est vrai que du coup ça bloque un petit peu le truc. Peut-être que possession, genre tu peux... que tu peux faire un point. Tu vois, c'est super chelou parce que... Bah, tu vois, genre, en vrai, le principe est super cool, mais... Oui, non, en effet, là, le contexte, si c'est un contexte d'apprentissage... Oui. Bah, en fait, tu vois, l'effet... Bah, après, peut-être pour pas gâcher l'effet là maintenant, tu vois, genre, tu gardes ça pour après la session... C'est ce que j'allais dire, soit je peux te contacter après. Non, soit en soi, vas-y, Torik, on aura d'autres occasions de se faire des petits jeux similaires. Donc vas-y, jette 3D, donne-moi les résultats. Mais après, tu vois, c'est super cool comme truc. Après, en soi, je pense là, du coup... Il n'y aura pas forcément de mauvais résultats, juste plus il y aura de succès déclencheur, plus ce serait quelque chose de, mais ça... de pertinent. En plus, du coup, ça aurait fait une petite histoire à connaître, et c'est marrant de savoir si ça va ou pas, mais c'est vrai que dans le contexte où ça peut m'apprendre un peu les légendes, etc. Alors, est-ce que... Bizarre. Alors, ça, je demande si c'est possible, étant donné que je parle de légende, mais... d'hospital, est-ce que je peux pas avoir un petit bonus? Exactement, c'est ce que j'allais dire, notamment... grâce à tes historiques, si tu as des points en secret, dans tous les cas, tu vas avoir un dé puisqu'il s'agit de ton culte. Mais si tu as aussi des points en secret, tu peux les ajouter à ce test. Non, j'en ai pas. Eh bien, ok. Donc dans tous les cas, ce ne sera pas une légende un peu obscure dont on Donc, ne compte pas au simple patient. Du coup, 3 plus 1, donc 4 dés. 4 dés. Eh bien, je fais un succès. On connaît beaucoup de choses. Ouais, bah, écoute, ça... Alors en effet, vous allez parler, durant ce trajet, tu vas leur parler de 2-3 trucs dont t'as entendu parler quand t'étais au hospital. La plupart, pour toi Abby, sont sans aucun intérêt, ils sont vraiment complètement chiants, tu vois, ils commencent à te parler de détails médicaux, donc enfin, t'y comprends rien du tout. Bon, il y a tout de même... Parlez des légendes sur le pancréas. Il y a tout de même une histoire qui sort un petit peu du lot. Qui est plutôt connu d'ailleurs, parce que toi, Thoric, simplement, lorsque tu avais débuté ta formation et que tu as commencé à rentrer dans l'hôpital, tu avais remarqué que certaines portes étaient condamnées. Et quand tu demandais pourquoi, on répondait pas vraiment, surtout des portes au niveau du sous-sol. Et puis, parfois, il est arrivé que l'hospitalier, lorsque vous partiez en mission pour vous entraîner, il y a un petit peu ce côté soirée pyjama d'hospitaliers réunis sous la tente... en dehors de la surveillance de leur supérieur. Ils font vraiment des soirées pyjama, c'est italien, genre... Non, c'est des vraiment. Soirées combi. Non, mais en gros, on se racontait des choses entre nous, tu vois, genre tu sais que... Ouais, alors tu ne sais pas quelle est la part de vérité là-dedans. C'est vrai qu'on t'avait raconté l'histoire de l'essaim. L'essaim qui était un virus qui, avant même l'escatone, donc l'apocalypse, aurait détruit une grande partie de l'humanité. Enfin, alors, un virus, d'ailleurs, on aurait raconté que ça aurait été certains gouvernements qui l'auraient créé. Alors maintenant, est-ce que c'est du complotisme ou est-ce que c'est véridique? On ne sait pas trop. Un virus qui aurait notamment touché l'Afrique et qui se serait déplacé jusqu'en Europe et notamment, du coup, l'Allemagne. Et on raconte qu'à l'époque... simplement l'hôpital. Thoric, tu te rappelles plus trop si c'était avant, du coup, là ou après l'escatone, est-ce que le virus avait prospéré ou pas, mais tu sais que on t'avait raconté que l'hôpital avait été pris d'assaut et qu'il y avait tellement de malades qu'on savait pas quoi en faire et qu'on les avait enfermés dans les sous-sols. Le problème, c'est que cette maladie, elle était très contagieuse et qu'on savait pas comment la traiter, il y avait aucun vaccin. Alors, et là tu te rappelles encore tes collègues qui racontent ça presque éclairé à la lanterne et qui soufflent dessus pour éteindre la lumière juste avant de terminer l'histoire. On dit que dans le doute, on a clôturé certaines salles d'hôpital, certaines portions entières, et qu'aujourd'hui encore, on n'a aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur et que personne n'ose ne serait-ce qu'ouvrir ces portes de peur de libérer ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Mais parfois, lorsque tu t'approches de certaines de ces portes, tu peux entendre des voix de l'autre côté qui appelleraient au secours ou qui gratteraient. Certains disent qu'il ne s'agit que d'effets d'écho ou de... peut-être d'animaux. Mais certains... jeunes hospitaliers qui s'aventurent dans les couloirs tard le soir auraient disparu alors qu'ils se trouvaient justement trop près de ces fameuses portes. Et tu te rappelles que c'est à ce moment-là que tout le monde se taisait autour de toi et que tu te retrouvais seul dans le silence angoissant. Je dis ça, mais en me rapprochant de Abby, genre comme si je exactement. Voulais essayer de lui rendre le même esprit que ce c'est qu'on ça. Avait fait quand on l'effet qui marche peut-être un petit peu moins en plein jour. Oui, mais bon. En plein milieu du désert. Pour appuyer un peu ce côté. C'est ça. Voici l'histoire donc de la maladie intitulée le nom de l'essaim. Encore une fois, tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est faux. Ça a sans doute été modifié par le bouche à oreille, mais c'est un peu en même temps, en tout cas, tu as toi-même constaté que certaines, c'est ça, mais tu voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en effet certaines parties d'hôpital qui ont été condamnées et que sur certaines d'entre elles, il y a écrit les deux lettres, justement, enfin, la lettre et le chiffre, le S et le 1, oh. Qui donne l'essaim, qui était parfois aussi, en effet, écrit l'essaim comme un essaim d'abeille. D'ailleurs, depuis le début, moi, je te voyais comme ça. Mais... C'est ça, les deux marchent. Ok. C'est gentil. Je me note 0,5, et comme ça, la prochaine légende qui me racontera, je pourrais me lever. C'est ça. Merci, Toric. Je t'ai fait un bisou, sur le jeu. Alors, évidemment... Presque, il vient de te raconter. Et il ne te raconte pas que cette légende-là. Bien sûr, mais c'est celle qui... C'est ça. Mais comme les autres, en fait, me faisaient chier, tu sais, parce que... Oui, oui. Bonne... Et là, tu vois, l'organe, il continuait à marcher alors qu'il... Et moi, je trouve quoi ? Certaines d'entre elles parlent aussi un petit peu de géographie ou d'histoire. Et je suis pas encore assez intelligent pour comprendre. Non, ce que je veux juste dire par là, c'est que si jamais un jour tu voulais faire un test, du coup, ça, ça serait débile, sinon... que tu ne connaisses qu'une seule légende, parce que du coup le test ça t'aiderait pas beaucoup. Oui, non, mais bien sûr, oui. Et c'est pour ça que genre je le fais en plusieurs étapes. Et, très bien. Après on considère, tu vois, qu'il y a un tout, tu vois, genre c'est pour ça que je le fais pas en un coup, en mode ah tu m'as raconté une histoire, maintenant je suis trop calé en légende. Malheureusement, en l'absence de déclencheur lors du jet de Toric, tu n'auras pas de réduction à l'achat de cette compétence. Oh. Non, tu n'en auras pas. Peut-être que sur des d'autres sujets. Bah, de toute façon. Si l'occasion se représente, je te demanderai. Parce que là, du coup, je considère que, comme c'était une petite réussite, du coup, c'est du 0,5. Je suis pas encore, j'ai pas encore validé ma compétence. Très bien. Encore levé là. Voilà. C'est moi qui aime me rajouter. Et du coup, pour l'instant, là, toi, Mokosh, comment est-ce que tu. Mokosh, il se fait chier à côté. Comment est-ce que je. Quoi ? Comment est-ce que tu réagis à ce que tu viens d'entendre ? Est-ce que toi, ça te laisse complètement indifférente ? Ou est-ce que toi aussi, ça t'intéresse ? J'écoutais pas vraiment. Ah, d'un côté, au moins, si comme il avait commencé à raconter ses histoires sur les pancréas et tout ça avant cette légende-là, j'avais arrêté d'écouter. J'étais parti dans mes pensées. Putain, elle ressemble au vrai Sato. Et d'ailleurs, vous commencez à approcher au fur et à mesure de parler, enfin d'avoir parlé. J'imagine que vous avez discuté pendant bien une heure hein, au total, peut-être même un petit peu plus. Ah, ouais, je suis vachement intéressant. Moi, j'essaie de. Des exemples. Tu m'as jamais vu aussi attentive à ce que tu disais sans lever les yeux au ciel tous les 5 secondes. Oui, ça je note. Ça c'est vrai qu'en même temps, ça me surprend. Et justement, vous commencez à approcher de ce qui semble être une petite ferme. Vous avez un petit peu dérivé du chemin de base, même si vous l'avez toujours, vous voyez, pas très très loin de vous. Et bon, cette fois-ci, vous êtes complètement écarté du bois. Le bois ne se trouve plus autour de vous et... Il ne se trouve désormais plus que des cratères et des ruines. Mmh. Mais là, une bâtisse qui semble avoir complètement été renouvelée. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs croisée une fois ou deux hein, à l'aller. Se dresse pas très très loin de vous. Est-ce que il y a... On est obligé de passer par là, mais si vous souhaitez vous y arrêter, vous pouvez. Toujours intéressant de voir les trucs qu'il y a sur le chemin. Soit il y a quelqu'un et on fait bon bah au revoir quoi. Soit il y a personne et on peut faire de la réplique. Est-ce que je peux faire un test de perception pour voir s'il n'y a pas, je verrai pas des traces de cafards ou de trucs comme ça. Bien sûr, vas-y, fais-moi un jet d'intro. Les cafards, ils sont du genre à prendre des maisons comme ça. Une fusée de deux sur le. Non, ils vivent pas dans des maisons comme ça de base, vu qu'ils... mais en effet, ils pourraient avoir investi les lieux quelque temps. Alors j'ai deux succès, dont un déclencheur. Ah ouais, en effet. Deux succès, dont un déclencheur. C'est bon. Pardon, deux succès et un déclencheur ? Dont un déclencheur, oui. Très bien. Tu ne vois absolument aucun cafard. Par contre, tu distingues nettement la silhouette d'une personne. Qui semble entretenir comme un petit jardin derrière la bâtisse. Alors moi je mets, mais la dernière fois qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs dans les jardins, ils enterraient des corps. Mokosh confirmera. Donc. Ah bon. Mais du coup j'en réfère à Abby et Mokosh hein, de ce que j'ai vu et voilà. Enfin tout va bien, tout a l'air d'être sécure. Lorsque vous approchez. Vous voyez qu'il s'agit d'une anabaptiste. Ah. qui semble plus être une ascète et qui visiblement investit des lieux et a en effet installé un petit jardin dans lequel elle cultive quelques. Désolé, mais attends, ascètes, c'est lesquels du coup? C'est les ascètes, c'est ceux. Je pense que c'est l'inverse des orgiastiques. C'est les prudes. C'est ça, eux sont un peu plus prudes. Et plutôt que de combattre le démiurge, qui pour eux est le mal absolu, vont entretenir. Ouais. Le champ. Justement, le. À chaque fois, j'ai un peu du mal de savoir lequel est le camp de Mokosh. C'est ça, il n'y a pas de soucis. En fait, les camps sont complémentaires, puisque eux sont un peu plus que chasseurs, cueilleurs, soigneurs. De toute façon, les deux, c'est des Anabatis, ils ont Kozef, mais. C'est ça. C'est vrai qu'il y a quand même une rivalité entre les deux camps, parce que est-ce qu'il vaut mieux combattre le mal ou améliorer le bien en lui permettant de se nourrir et de le soigner et de se soigner? Ah, mais elle dit comme ça, je comprends pourquoi Satou il a pris les. Ça c'est révolutionnaire, tu vois, je te jure. Toujours. Est-ce qu'on voit pas les ailes qui dépassent du dos de la personne qui est en train de faire le jardin? Des ailes? Des ailes? Des ailes blanches de pure. Ah non. Quoi? Bah, mais non, après, ils sont soi-disant symboles de pureté. Elle a quand même un peu l'air crasseuse. Hein, je veux dire, vous voyez quelques blessures ici. En gros, voilà, c'est. C'est la partie, on va dire, blanche des anabaptistes, alors que Mokosh, c'est la partie noire. Ah, et encore, il y a eu des histoires déjà d'empoisonneurs ou de. Plus une partie rouge. Une partie rouge. Mais. Non, non. Vous approchez, vous voyez qu'elle vous aperçoit et puis qu'elle lève la tête alors qu'elle était en train de s'occuper de son champ. Personnellement, je sais pas, mais moi je me recule pour être derrière Mokosh parce que, bah, anabaptiste, tu vois, je me dis que ça match. Bonjour? Salutations. Vous avez besoin de quelque chose? Quoi que ce soit, n'hésitez pas si vous voulez. Vous pouvez rentrer. Attends, on peut me répéter à quel moment de la journée on est? D'après-midi. Ouais, dans le tour de 13h à peu près. Ouais, on fait passer juste donc. On est d'accord? Oui, c'est ça, mais. En soi, surtout entre Nobadi, ça serait pas étonnant qu'elle te laisse prendre. Fin... Elle vous laisse vous reposer une heure ou deux chez elle. La maison à côté qui semble toute mimie. Tu pourras accueillir facilement une à deux personnes. Je regarde vers mes coéquipiers pour voir s'ils ont. C'est tellement drôle de voir Mokosh galérer à faire un contact social. C'est. C'est génial quoi. Pardon. Non mais oui, je regarde vers mes coéquipiers voir s'ils ont quelque chose à demander, parce que moi personnellement je suis d'avis de continuer à marcher. Quel est l'état de nos provisions? Enfin genre surtout les plus vieilles, tout ce qui est chèvre, tout ça, genre ça rend tenir la route ou ça rend un peu de marronné Bah ça tient la route, mais non c'est sûr que. Alors surtout les rations de chèvre, étant donné que elles ont été. La viande a été fumée. Enfin c'est de la viande séchée, je sais plus si on dit fumée ou séchée. C'est séché. Ouais. Le fumé surtout. Oui c'est ça. Ça tient longtemps ça. Oui, c'est ça, maintenant par exemple, s'il y a insectes caramélisés, ça vous les avez laissés au fond du sac. Mais c'est vrai que la viande, surtout quand vous la transportez alors qu'il fait chaud, ce n'est pas le top du top. D'ailleurs, je suis désolé de poser ça maintenant parce qu'on aurait dû faire avant la session. Vu qu'on s'est reposé, est-ce qu'on a gagné un tout petit peu d'ego ou, bien sûr, je vous ai tous redonné 2 points d'ego. D'accord, parce que je sais qu'on a fait une petite nuit, donc je peux comprendre qu'on n'est pas genre un mec. Bah, c'est ça, vous avez. Mais en même temps, c'était une chambre que vous commenciez à connaître, donc c'est. C'était plutôt assez appréciable. Mais c'est vrai que oui. Et puis encore une fois, par exemple, si jamais vous payez une chambre plus chère pour vous en profiter, pour prendre un bain ou autre, l'ego vous en gagnez sera augmenté. Bah, est-ce qu'à la limite, on. Ouais, il est que 13h d'un côté, mais du coup, on n'a pas mangé. Est-ce qu'à la limite, on ferait pas la pause repas chez elle? Genre du coup on demande juste un petit contact social, genre, on lui demande pas de faire manger, genre nous on sort nos petits insectes grillés et puis on mange notre ration et enfin je sais pas genre... Ouais de s'arrêter sur place quoi. Ouais c'est ça, faire un petit... Hey, prête-moi juste ta table s'il te plaît. Ouais. Bon bah du coup je me retourne de nouveau vers elle et je lui dis si vous permettez on souhaiterait s'arrêter un petit moment histoire de se reposer sur la route. Très bien, n'hésitez pas. Juste avoir de quoi s'asseoir. Bah attendez, suivez-moi. Tu vois, elle se lève, elle pose ses outils et puis elle ouvre la porte d'entrée. Vous rentrez à l'intérieur, vous découvrez justement cette petite maison en bois, tout ce qui est plus classique. Vous voyez des affaires de femmes et aussi des affaires d'hommes qui sont entreposées à certains endroits. elle fait un petit peu de place au niveau d'un banc en bois qui était posé au bord d'une fenêtre. Et puis elle vous invite à vous asseoir. Eh bien, je m'exécute. Vous voulez que je vous fasse quelque chose, hein, vous savez, j'ai suffisamment de quoi me nourrir tout seul, donc je peux partager, y a pas de soucis. On a ce qu'il faut en ratio, c'est surtout qu'on on aimerait éviter de gaspiller, en fait. Du coup, faut qu'on mange les fonds de sac. Bien sûr. Mais c'est gentil. Ouais, merci quand même. Vous voulez un peu d'eau? J'en ai dans le cellier, elle est plutôt fraîche. Avec plaisir. Très bien. Elle ouvre une espèce de porte qui donne en effet vers un cellier, donc elle descend quelques marches et puis elle remonte avec un pichet d'eau. Elle sort quelques verres d'un placard poussiéreux et puis elle les pose sur la table. Elle s'ouvre dedans pour retirer la poussière et puis elle les remplit d'eau et elle vous l'étend. C'est gentil. Ça sert à profiter de boire sans utiliser nos bourres. Mmh. Du coup, vous allez où comme ça? Du coup, oui, on se dirige dans un premier temps vers Justicienne et après on verra bien. On doit aller plus au nord. Je crois. Ok. Non, je sais pas. Je vais aller sur la map. Vous êtes quoi, des espèces de marchands itinérants ou médecins itinérants? À ce moment-là, elles sont en plus en direction de Torik. Un peu de tout. On est itinérants. Ça c'est sûr. on offre nos services de tout genre, on aide des gens, on est sympa, ça fait des petites aventures, hein, vous savez. D'accord, oui, je vois, oui. Des mercenaires itinérants. Si, mais on peut aussi du coup faire des services comme des soins grâce à notre hospitalier ici présent. Ok, c'est d'accord. C'est quoi déjà le nom de l'endroit où on va? C'est la forêt des... C'est pas des marchands. Vous allez près de la forêt de Verflush. Voilà, merci. Ouais, donc du coup, en fait, on remonte pas du tout au nord, en fait. Non, c'est pas... Non, c'est... Au pire, on s'en fout, elle va pas nous suivre. Hein. En fait, vous aviez décidé de... Plutôt que directement de vous diriger en diagonale, en fait, vraiment... monter vers le nord, puis un peu vers l'est pour rester dans un... C'est après Justicienne, en fait, on va plus vers le nord, mais... C'est pas grave pour elle, je veux dire, si elle sait pas exactement où on va, c'est pas... Faut être honnête avec les camarades. Imagine, elle nous trahit, et du coup, elle dit aux gens, vers le nord. En même temps, on ne dit pas des mensonges, on va vraiment en direction de la justice. Oui, voilà, après, donc on n'a pas raconté de conneries. Oui, tant que je dis pas, on va vers le sud, après, elle nous voit partir vers le nord, tu sais... Non, mais on va vers la justicienne, c'est là où on se dirige en ce moment. Mais... Pour l'instant, on va vers justicienne. C'est après. Pas mentir. La discussion qui vient en dispute, tu sais, du côté des voyageurs, pendant que l'autre elle la regarde. Du coup, on va pas vraiment au nord. J'en profite juste pour la mettre en garde, dans le sens, faites attention, et il me semble qu'il doit y avoir des cafards qui traînent dans le coin, donc soyez prudente. Ouais, je sais, malheureusement, quand je me suis installé ici, c'était plus tranquille, mais c'est déjà arrivé qu'ils fassent un raid par ici. Et faites gaffe, ils sont très très violents. Ouais, mon mari en a croisé une il y a quelques jours. D'accord. Oh. Une seule, ou genre, vous voulez dire un groupe? Elle avait été chassée par son clan, a priori. Alors, il a commencé à l'attaquer, mais il m'a dit que elle avait commencé à lui parler et puis bon, il l'avait laissé partir. Je sais que c'est pas forcément une bonne idée, mais bon. Mais oui, votre mari. Bonne idée du tout. Qui sommes-nous pour juger? Votre mari. Oui, d'ailleurs. Voilà, il est parti acheter quelques trucs en ville. Il devrait rentrer d'ici quelques heures si jamais vous restez. Il devrait faire gaffe en soi. Parce que du coup, il va à quelle ville? Carf? Non, il est parti vers le nord. Il y a un petit village au nord-ouest. Ah, ça, c'est intéressant. Ok. C'est même pas une demi-journée d'ici. C'est. Pouvez-nous l'indiquer, genre, où est le village sur la carte? Histoire qu'on sache, un jour on passe par là. Tu lui donnes une petite carte et puis. Elle te fait une petite croix à un endroit et puis elle écrit. Quelques lettres. Ce que je veux voir, c'est juste genre, est-ce que du coup c'est C'est genre sur le chemin vers Justinienne ou est-ce que c'est un peu plus loin, tu vois, genre est-ce que c'est... Alors justement non, c'est au nord-ouest, donc ça vous ferait faire un petit détour par exemple si vous y allez, mais... Ouais, c'était pas mon... Rien de bien méchant. Mais c'est surtout de voir, tu sais, genre, bah, c'est un jour, on passe par là, etc. Genre, est-ce que c'est le genre de trajet qu'on... Il est en train de baliser la carte, en fait. Clac, clac, c'est clac. Ça, ouais. En mode c'est que, genre, civilisation. Un détour et on a besoin, tu sais, oui. D'un village. On sait que pas loin, il y a rien. Bien sûr. Donc, oui, en effet, c'est un peu sur le chemin de Justicienne. Avec un détour. Notamment les chemins qui mènent vers Cathédrale. Il y a des grandes routes comme ça qui traversent la Borca. Ok. Et cette ville a l'air de se trouver sur l'un d'entre eux. Merci beaucoup. Je bois mon verre d'eau. D'ailleurs, si vous voulez rester vous reposer, il y a un lit dans la pièce là-bas. Alors bon, n'hésitez pas à y aller. Et puis les toilettes sont au fond. En attendant, moi je vais retourner à mon champ. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'amoché, petit cœur, moi, avec moi? Non. Non. D'ailleurs, je profite du repas pour moi personnellement manger un cafard parce que ça passe. Non, un insecte carmine. Ah non, les cafards, c'est les ennemis. Il sort son cadavre, il le pose sur la table. Donc tu prends un insecte caramélisé. Ouais, un insecte caramélisé. Exactement. Parce que bah une ration chacun, ça c'est sûr. Genre. Oui. Moi, je prends du caramélisé. Il faut que je me remange de l'ego. Mais c'est ça. Mais en fait, les insectes caramélisés, ça fait un repas entier. Ou est-ce que c'est plutôt Non, c'est plus. On fait du bonus. Voilà. Non, du friandise. Sauf si vous en prenez plusieurs. Si vous en prenez plusieurs. Du coup, je propose qu'on faire... termine nos rations de chèvre maintenant parce que c'est les plus vieilles et il faut éviter qu'elles périssent. Oui. Donc chacun mange une ration de chèvre et ceux qui ont besoin, donc c'est-à-dire nous deux sauf Tori, mangent une ration d'insectes au dessert. Pour nous. Combien ? Quoi ? Une ration, ça donne combien en ego déjà ? Bah, une ration de nourriture en soi, rien, ça vous permet juste de subvenir à vos. Non mais l'insecte. Ah, l'insecte qui a normalisé. C'est pas un truc comme ça, 3 fois 1 point d'ego. Ah, c'est pratique ça, parce que j'ai. Ça me ferait tomber. C'est vraiment un mets de luxe. Alors. Ça me semble que tu avais dit 3 fois un point d'ego. Oui, bien sûr, je vérifie ça. J'ai tout noté de côté. Je rouvre juste mon document. Pour pas dire de bêtises. Putain, ce jeu où même manger, ça devient de la stratégie. Non, mais. En soi, c'est vraiment le côté juste. Non, mais. C'est comme aller au restaurant, on va dire, dans la vraie vie. C'est très plaisant à faire. C'est pas une critique, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète. Mais... Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est. Mais c'est drôle d'imaginer, tu sais, les aventuriers qui sont en mode attends, si là on mange cette ration là, après on va faire ça. Non, c'est ça, ça vous donne un ego. Ouais. Mais en fait, lorsque vous les achetez. En fait, vous les achetez par 3 parce que forcément, tu finis pas le pot forcément en une fois. Donc vous les avez achetés, en fait, vous en avez acheté 3. Et donc, ça, ce qui vous faisiez 9 rations. Donc vous pouvez en manger 3 chacun, il n'y a pas de souci. Bah du coup, et ça rajoute 3 pots chacun. Enfin, il y a 3 pots en tout, et dans un pot, il y en a 3. C'est ça. Bah du coup, donc il y en a 3 pots. On va dire 3 rations, quoi. Bah je propose d'en manger un seul, c'est déjà ça de prix, tu vois, comme gain d'ego. Moi j'en mange 2. Mais Mokosh. Ah oui, t'es à 6. Non, je comprends, t'es à 6. C'est moi qui elle est gourmande. Elle est gourmande. Toi, t'en prends également ou pas? Il en a pas besoin, il est à 0. Bah non, j'en ai pas besoin, je suis à 0. Oui, mais en soi, bah, pur RP, le fait de voir tes amis pour ton dessert. Il est safe, je tape sur la main. Tu sais, le truc est... Non, j'en veux pas. Non, très bien. Mais du coup, ouais, juste ça fait... Juste l'eau me suffit. 3 rations mangées d'insectes caramélisés et... oui, moi, t'as retiré les chèvres, c'est pas... D'ailleurs, au moment où vous sortez les chèvres, vous avez la 7 qui s'apprêtait à partir qui... Oh, où est-ce que vous avez eu ça? Ah, des amis. D'accord. Je me suis souvenu quand même. Et puis elle y va. Mon coche n'a rien dit, putain, je suis sauvé. J'ai pas compris, j'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Bah, elle demande qui a donné ça, et c'est qui nous a donné ça? C'est des jets méthane, du coup faut pas le dire. Est-ce que c'est Nana Baptiste elle aussi? Vous êtes des connards avec les... Pardon. Non, on est juste. On les traite à leur juste valeur. Du coup, une fois qu'on a fini de manger, on s'en va. Parce que là, elle s'en va de toute façon. Donc, Du coup, moi je dis, il est fort probable que quand vous revenez, nous ne serons plus là. Donc, portez-vous bien. Bon, on la remercie déjà chaleureusement. Oui. Vous la remerciez, vous voyez, vous adresse en signe de la main au moment où vous en avez. Vous repartez en direction de plus ou moins justicienne. Et c'est vrai que vous remarquez que plus vous vous rapprochez de la ville, plus éventuellement les villages à l'horizon, mais les bâtisses en état se font fréquentes. La tension commence à redescendre, vous avez moins de chances de vous faire agresser sur une route peuplée. Vous croisez même quelques silhouettes de temps à autre. Alors, c'est pas encore la foule, vous êtes encore quand même à presque une journée de marche, mais peut-être un petit peu moins quand même. Mais voilà quoi, vous avez moins la sensation d'être perdu au milieu de nulle part. Il y a d'ailleurs un moment, chose assez étonnante, mais vous croisez, alors en plein milieu pareil de ce qui semble être quelques ruines, deux chevaux attachés à l'entrée au niveau d'un panneau. Ah, ça doit être des... comment on appelle ça? Des... oh merde, je voulais... ceux qui fouillent, là, les ferrailleurs, non? Oui, c'est ça. Oui, les ferrailleurs, en effet. Ouais, ça doit... Après, c'est que les ruines près de Justicienne, généralement, n'abritent plus grand-chose. La plupart sont déjà taguées de... quelques marques qui peuvent se faire discrètes, qui sont là pour faire comprendre aux gens. Bah, qu'en pensent mes amis ici présents? Test de perception. C'est vrai que c'est assez rare de voir comme ça des chevaux. C'est quand même une certaine valeur. Presque envie de les voler, mais. Test de perception, mais vas-y. Mais depuis quand c'est les joueurs qui font les tests? Oui, d'ailleurs, vous pouvez tous le faire. Bah, simplement, pour l'instant, Doric s'arrête et essaie de scruter les ruines à la recherche d'une potentielle silhouette. Et en fait, là, tu viens juste me faire penser à mes joueurs débutants sur Vampire. Comme, ça, comme ils débutent le jeu de rôle depuis 2-3 sessions à peine, je suis leur apprentisseur. Bah, en gros, ils sont pas encore habitués à vraiment roleplayer. Et genre, par exemple, quand ils veulent manipuler MJ, un personnage, au lieu de faire de dire, et moi je dis fais manipulation, il fait j'aimerais bien te manipuler. C'est très très drôle, mais Eh bien d'accord, manipule-moi. Non, c'est super mignon, tu sais. Alors, je te manipule. Et c'est super drôle, parce que du coup, c'est moi qui dois trouver comment il manipule, mais pas l'inverse. C'est quoi le 3 succès, un déclencheur. Bon, je sais pas du coup pourquoi je fais le jet, parce que Toi, qui défonce tout, mais... Ah, j'ai fait 3 succès, pas de déclencheur. Moi, j'ai pas fait le jet. Très bien. Bah, moi, les chevaux, ils ont pris mon attention, donc du coup, forcément, j'observe aussi parce que j'ai. C'est ça. Mais est-ce que c'est volable? D'ailleurs, tu as fait quel résultat, Abby? J'ai fait comme Toric, mais sans les déclencheurs. J'ai fait juste 3 réussites. Très bien. De ton côté, Abby, en apercevant. Tu comprends qu'il s'agit des montures des juges plutôt que des ferrailleurs. Ah, on se casse. Surtout en voyant l'état de leur selle, un peu lucieuse. Et toi, Toric, tu aperçois, sortant d'une maison qui est en bon état, en effet, la silhouette d'un juge. On se casse, les gars. Il sort, il remet son chapeau en place. Il a une paire de lunettes de soleil et puis s'allume un cigare sur le palier. Chose assez étonnante quand même, tu remarques que ses vêtements sont couverts de sang. On se double casse. Mais pourquoi? Ouais, donc il a dû donner la justice. Ils ont dû donner la justice. Oui, non mais les gars, nous et les juges. Bah, de toute façon, de là où on est, est-ce que pour l'instant, ils ne nous ont pas vu. Voilà. C'est pour ça que vous venez, on se casse. J'aurais aimé. À la limite, enfin, tu me diras non, c'est pas dans mon tempérament, donc non. Ouais, on peut se casser, ouais. Oui, merci. Vous êtes un petit peu dans l'ombre de l'un des bâtiments. Et juste au moment où vous essayez de partir, où tu commences à presser le pas, Toric, tu vois qu'il tourne la tête. Hey, vous deux là-bas. Attends, qui est à l'arrière? Là, pour l'instant, c'est toi, t'es encore un petit peu au niveau des chevaux. C'est pas ça, t'es censé être visible. Mais a priori, il a pas fait attention à toi. Oui, mais comme. En fait, c'est grâce au camouflage de ma tenue, c'est ça. Pas mal. Ah, donc il a juste vu moi et Toric, c'est ça? C'est ça. Mais moi, je me colle, tu vois, genre je fais. Bah, du coup, j'ai une moi, venue je, qui s'appelle l'ombre noire. Je me fige et je me retourne vers eux. On se tourne vers lui, du coup, j'imagine. Hein. Et je dis oui. Circulez, s'il vous plaît. Ouais, bah c'est okay. Ce qu'on faisait, connard. Ouais. Bah, du et coup, je vais va. Genre juste les suivre pour circuler en mode. J'étais pas là. Non, mais s'il veut pas parler, moi ça me va, j'aime pas les juges, et je crois qu'il m'aime pas, donc. C'est bien ça, on s'exécute, fou, hein, il nous a dit de circuler, nous on circule. Bah. Hein. Alors, c'est vrai que de base, il y a une très grande dualité entre les juges et les apocalyptiques. C'est vrai qu'elle a été atténuée ces dernières années pour plusieurs raisons. Déjà, certains juges entretiennent des liens avec les apocalyptiques en tant qu'informateurs. Oui, ça je sais, on a notre PNJ. C'est ça, exactement, comme le juge reprend elle. Les autres préfèrent garder certains apocalyptiques en état à partir du moment où ils ne dépassent pas les limites. Parce qu'ils savent que si ils les exterminent tous, on a forcément pour les remplacer. Et c'est vrai que certains se battent même ensemble contre les clans. Oui. Mais en effet, vous les appréciez pas. Vous ne vous appréciez pas particulièrement. Surtout ceux qui sont un peu de la vieille école. Ouais, et franchement, deux juges seuls remplis de sang, je suis sûr qu'ils sont de la vieille école. Il n'y en a qu'un seul. Ah, je tiens à préciser que j'ai toujours mon manteau sur moi. Donc en gros, mis à part mon dilacérateur, je ne ressemble pas à un spitalier. Ouais, mais... Et donc ça m'arrange quelque part, puisque je me rappelle que nous avons eu affaire à des espèces de chasseurs de primes puisqu'un contrat a été mis sur nous. Oui. Oui. Et que du coup, en étant pas hospitalier officiellement, du coup, ça peut aussi brouiller les pistes. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, au moment où vous passez au niveau du juge, on va pas passer très proche. Ça, mais vous êtes quand même toutefois obligé de passer devant la bâtisse qu'il garde pour traverser le village. Oh, putain, tu remarques bien. Ton mollusque qui émet quelques légers mouvements. Oh! Oh! Quelques légères impulsions. C'est rien. D'accord. Lui, il est là, droit comme un piqué. Comme si... Comme s'il gardait l'entrée. Enfin... Oui, il garde l'entrée. Même pas comme s'il montait la garde, mais vraiment, il s'assure que vous quittiez bien la ville. Pas de soucis. Enfin, la ville, les ruines. Bah. Mais de toute façon, là, je suis pas en position de force. Je suis pas censé être hospitalier puisque j'ai mon. Voilà. J'ai la cape. Après, malheureusement, ton. Oui, ton modus. Dilacérateur te. Oui, il y a mon dilacérateur. Et je pense que de prime abord, comme ça, il s'en rend pas compte tout de suite que je suis hospitalier. Je suis un ferrailleur qui a volé ça à hospitalier. Je suis pas hospitalier. Non, mais c'est je veux ça, dire. On peut quand même se faire un petit jet de... De discrétion, oui. Si tu veux, de furtivité. Fais-le. Si tu peux. En fait. Que je vais opposer à sa vigilance. Alors attends, c'est lequel celui-là? C'est dans. C'est ça, dans agilité. Agilité, furtivité. Attends. Agilité, furtivité. C'est ça. C'est agilité, stealth, non, c'est ça? Oui. Exactement. Oui, excuse-moi, j'aurais dû donner les termes en anglais. Oui, désolé. Je sens que je viens de faire 5 réussites dans 2 déclencheurs. Oh non! C'est un juge, il a 8 dés en vigilance. Ouais, mais j'en ai que 4 moi déjà, donc pour commencer. Ah, hein. Oui, non, c'est pas. J'ai que 2 succès, de toute façon, j'ai sur 4, j'ai que 2 succès. Non, bon, tu vois que ton dilacérateur est beaucoup trop grand pour que tu puisses le cacher en passant si près d'un juge. De toute façon, normalement, il a juste envie qu'on se casse, donc je pense qu'on peut éviter les problèmes avec lui. Bah, du coup, est-ce que bon, clairement, il sait que je suis hospitalier, mais est-ce qu'il m'interpelle ou pas du tout? Non, pas du tout. Il est là. Tu vois pas, tu saurais pas trop dire. Hein, ses lunettes de soleil masquent pas mal ses expressions faciales. Ouais. Simplement, tu constates que ton dilacérateur, enfin ton mollusque. T'indique la présence de sporulation. Est-ce que je connais le coin? Est-ce que je connais le secteur ou pas du tout? Alors le secteur en lui-même, en effet, tu es dans le protectorat proche de Justicienne. Maintenant, si tu veux, tu peux faire... Si tu veux dire une question un peu plus... Non, est-ce que je pourrais, je saurais reconnaître ou oui, si tu en as entendu parler par exemple de cet endroit exactement. Voilà. Eh bien vas-y, fais-moi un jet d'intellect si... légende avec une difficulté de 3. De 3. Ça, j'ai que 3D. ça peut passer. Non, ça passe pas. J'ai que un succès. J'ai jamais entendu parler. Dans ce coin en particulier. Ouais, en gros, je peux dire, genre, on est, ça, c'est au sud, machin, de Justicienne, à une vingtaine de minutes, genre, je pourrais dire que comme ça. Ça, tu sais qu'il reste à peu près une demi-journée de marche là où vous êtes, mais est-ce que cet endroit a quelque chose de spécial? Non, tu ne sais pas trop. Ouais, bah écoute, je m'en vais, et puis si je suis venu à croiser des hospitaliers, je leur indiquerai que excuse-moi, tu as légèrement coupé. Oui, tu bugs un peu. Je dis, si je croise des hospitaliers, je leur donnerai la position à peu près de là où on était et que mon dilacérateur s'est mis à bouger et qu'il y avait des juges sur place. Voilà. Très bien. Enfin, il y a un seul juge sur place. Non, mais il y a deux chevaux. Je vais en merde. Hein. Mais il y a deux chevaux. Non ? Oui, mais une seule silhouette, une seule personne pour l'instant. Oui. Mais bon, il y a un seul juge, mais il y a deux chevaux. Voilà, oui, mais non, j'en dirais. Deux... Arrête de vouloir faire croire qu'il n'y a pas de juge. Quatre. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne réagis pas, enfin, on s'en va, puisque ils sont une de se barrer. Je vous ai ignoré les signaux croiser... envoyés par ton mollusque. Et. Vous quittez la ville. Je peux pas rien faire. Non, je me bats. Non, enfin, en soi, t'aurais pu juste enquêter, essayer de trouver la provenance, mais en effet, t'as aucune obligation, aucun supérieur ne se trouve ici, donc personne ne saura que. Abby et Mokosh n'ont peut-être même pas remarqué que ton mollusque te signalait la présence d'un taux anormal de sporulation. De toute façon, moi, si je l'ai remarqué, je voulais supplier de pas le prendre en compte. C'est très mais sérieux. En même temps, voilà, si c'est un juge et qu'il est immaculé de sang et que voilà, je ne suis qu'un famulancier en soi, hein, j'ai pas voilà, donc il est pas censé me donner d'explication quoi que ce soit. Je suis à un niveau assez bas de hospitalier. Non, les hospitaliers sont plus ou moins égaux au juge. Tu connais pas vraiment son grade, mais. Je pense que c'est quelque chose qui pose un vrai problème dans le protectorat, c'est que il n'y a aucun, enfin entre un hospitalier et un juge, aucun d'entre eux n'est vraiment supérieur à l'autre. Les juges contrôlent le protectorat, c'est eux qui l'ont créé quasiment, mais sans l'hospitalier, ils peuvent rien faire, donc ils sont bien obligés de leur laisser la moitié de la donc, part. Donc si moi je venais à me diriger vers lui en disant voilà, je suis hospitalier, de toute façon tu l'as vu puisque je suis là, est-ce que tu peux me rendre compte? De rendre des comptes sur bien ce sûr. Qui se passe, puisque j'ai ah, vu. Ah, clairement. Que... Et il le ferait. Bah, peut-être pas, ça dépend. Ça dépend de son caractère. En effet, plus il est gradé, plus il y aura des chances d'essayer de t'envoyer te faire voir. Mais en soi, oui, t'es pas obligé de le faire, mais ça serait pas aberrant que tu fasses ça, au contraire. Ça... Les hospitaliers, tout comme les juges, ont un côté un peu justement enquêteur. Sauf que toi, c'est en effet tout ce qui touche plus. On va dire à ce qui est anormal, à ce qui touche à la maladie, etc. Crasse, tu me tends une perche là. J'ai envie de savoir. T'es pas obligé de le faire. Si encore une fois, fait, il n'y a aucun supérieur autour de toi. Et d'ailleurs, toi, Mokosh, fais-moi un jet d'empathie. D'accord. Oh, mais non, il a l'air super sympa ce juge, câlin. Empathie. Alors, empathie, c'est instinct. C'est ça. Plus ah, oui. Empathie. J'ai rien en empathie, donc j'ai code l'instinct. Eh bien, c'est une réussite qui est un déclencheur, mais j'ai aussi fait un 1, donc je sais pas si ça influe. Il n'y a pas plus de 1 que de réussite, donc ça n'influe pas. Ok. Alors, vu que c'est un déclencheur, donc tu notes quand même une certaine tension de la part d'Abby par la simple présence d'un juge, comme si Elle était complètement terrorisée par l'idée d'en croiser un. Ah. Ah, ça oui, en même temps, c'est une flippette. Mais si ça peut la rassurer, j'essaye de cacher sa présence avec moi en passant devant, mais bon, ouais. C'est juste en marchant, tu vois, en me mettant oui, juste oui. devant pour juste couper la vue. Oui, dans tous les cas, les ruines ne sont pas très très grandes, vous avez vite fait de les traverser. Et là, le juge est déjà loin derrière vous. Mais du coup, Tori, qu'est-ce qu'il fait? Non, parce que s'il y va, c'est son... Ah oui, à moins que Tori, que tu choisisses de changer de... Mais c'est surtout que je pensais pas que les juges étaient... Mais prends une décision. Que moi, je pouvais être au même niveau que les juges, en fait. C'est pour ça que clairement, bah, c'est, parce que... c'est, les hospitaliers ont même imposé aux juges, par exemple, qu'ils puissent contrôler n'importe qui dans Justicienne. Personne ne peut rentrer dans la ville sans passer devant les hospitaliers. Justement, afin de s'assurer que... et de limiter au possible les infectés qui pourraient rentrer. Eh ben écoute, je vais un peu me reprendre alors du coup. Je vais vu que je vois Abby qui est complètement terrorisée, je lui dis écoute, reste là avec mon coche. Moi je vais retourner là-bas et puis je vais essayer quand même de me renseigner par rapport à ce qui se passe, parce que ça m'intrigue. C'est pas souvent qu'il bouge mon dilacé, enfin ça bouge dans le dilacé. Que mon mollusque bouge, j'ai quand même envie de savoir. S'il bougerait souvent, je suis sûr que pour toi ça serait annonciateur de la fin du monde. D'accord. Non, mais bon, il bouge un peu plus qu'à l'accoutumée, je veux dire. Oui. Au dernier et moment, justement, Toric qui change d'avis et puis qui. Alors qu'en effet, bon, soit personne l'aurait su si jamais t'avais pas agi, donc t'aurais pas pu avoir de blâme ni quoi que ce soit. Moi, ma question, c'est. Il décide quand même d'aller voir. Il est la seule ou est-ce que Mokoš l'accompagne? C'est une vraie question. Ça. Je mange, j'allais la poser. Ah, non, je vais rester protéger Abby de ses peurs immenses. Très bien. Toric, tu retournes seul en direction du juge. Oui. Qui réapparaît dans l'encadrement de la porte, alors que tu te trouves... justement, plus tu te rapproches, plus sa silhouette apparaît à nouveau. Son cigare toujours à la main. Du coup, je m'approche... Vous avez perdu quelque chose ? La cape... Je défais la capuche en gros pour montrer que je suis bien hospitalier. Et du coup, je m'approche, je dis écoutez, monsieur le juge, je peux dire, je sais pas. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis hospitalier et je viens de noter au passage que mon dilacérateur, mon mollusque, bouge assez anormalement. Et il s'avère que c'est justement à l'endroit où vous êtes. Donc vous savez très bien que chez nous, nous sommes assez pointilleux sur ce genre de phénomène. Et donc j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe par ici. Tu vois qu'il commence à sourire. Il n'y a pas de souci. Non, j'ai juste appréhendé un suspect, un lépros qui se tairait dans cette maison. C'est pour ça que votre mollusque réagit à sa présence. Mais ne vous inquiétez pas, il est d'ores et déjà entre la vie et la mort. J'espère que vous en rendrez compte au hospital pour éviter toute prolifération si jamais... Bien sûr, je l'ai juste quelques minutes avant de l'interroger pour pouvoir remonter... auprès de son fournisseur. Voilà, vous D'accord. pouvez y aller. Oui. Okay. D'ailleurs, dites-moi, on est où ici? Ici? quel est le secteur? Non, mais je veux dire, y a pas une position, enfin, genre, c'est proche de quel secteur? Bah, on est au sud, au sud-ouest de Justicienne. Si vous continuez sur le chemin, vous tomberez forcément dessus au bout d'un moment. D'accord. Donc, je vous remercie, puis faites bien attention. Et pas tout de suite, vous allez trop en contact avec. D'ici quelques kilomètres. Vous pouvez vous y arrêter si vous voulez. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Donc bah, je m'en vais, je retourne voir les autres. Ok, tu retournes voir les autres. Vous pouvez reprendre votre marche en direction de Justicienne. Et en effet, comme te l'avait indiqué le juge, trois quarts d'heure plus tard, vous croisez une auberge sur le bord de la route. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous y arrêter. C'est vrai que la nuit va commencer petit à petit à tomber. Bah, on est où au niveau de... par rapport à la Justicienne, s'il nous restait une demi-journée de marche, je crois que tu as dit. Oui, le trajet n'est plus très très long en soi. En... peut-être maximum 3-4 heures, vous pouvez y être. Et il est... si vous souhaitez passer par la ville. Si vous souhaitez couper un petit peu plus tôt. Bah, si le soir arrive, autant s'arrêter à la ville. Pas très logique. Il est quelle heure, là, à peu près? Il doit être aux alentours de 16-17 heures. Peut-être un petit peu plus tôt. Ah oui! Ouais, bah on peut retourner à la Justicienne, se poser là-bas et repartir au matin. Ouais, bah on peut aller passer une petite nuit à l'épave. Mais bon, moi, j'irai ça, moi je vais parler hein, à ma nuée parce que j'ai agi pour elle et du coup. Bah voilà, il faut que et tu vas rendre des comptes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas vraiment rendre des comptes, c'est juste les prévenir que j'étais forte, quoi, c'est normal. Tout ça pour se faire mousser, là là là. Oh mais non, mais tu... Bah, en même temps, est-ce que c'est toi qui as réussi à... Bon, c'est pas vraiment racheter, mais c'est quasiment dans le principe de... Enfin, genre, là on a... Enfin, c'est ouf. Je sais pas. Oui, non, tu as créé un business alternatif. Bien sûr. Et le jour où Manu aura des problèmes, on aura des soutiens, donc clairement... Ah, on parle de quoi? De ce qui s'est passé à Carf, c'est ça? Bah oui. Ah oui, quand on est d'accord. Oui, avec le trésor, enfin pas le trésor, mais bon, les caisses sont vides, alors il a sauvé le business, quoi. T'as bugué, on n'a pas compris du tout ta phrase. Les caisses étant vides, il a sauvé le business de la nuée de Carf. Du coup, ils lui sont redevables. C'est ouais. Ça ouais. Ouais, c'est parce que je pensais, c'est... J'avais un doute. Bah écoutez, oui, moi ça me va, on peut filer sur la Justicienne. Moi, je resterai au hôpital, hein, et on se retrouvera que vous serez à l'épave, hein, évidemment. De toute façon, on n'y passe juste la nuit et dès le lendemain, pareil, on repart pour okay. Gagner un maximum de temps. Je vais me faire une petite session d'ignorer l'auberge de partout. De quoi? Vous décidez donc d'ignorer l'auberge? Bah oui, en fait, genre si on est vraiment à... En effet, si jamais vous partez dès maintenant, il y a de fortes chances que vous arrivez en ville avant la nuit. Seulement à la tombée de la nuit. Ouais, mais du coup, il y a la vraie nuit. Donc... Oui, non, bah... Alors pour que moi, oui, s'arrêter une heure ou deux risquerait au contraire de vous donner du retard. Ouais, mais du coup, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, je suis d'accord. Très bien. Et cette fois-ci, pour accélérer un petit peu les choses... Vous êtes mort. Ah, j'ai accéléré un peu trop vite. Merde. Nouvelle campagne, allez. Vous êtes devant le juge. Alors... choses, nous allons passer tout le reste du chemin jusqu'à Justicienne, puisque d'accord. Plus vous avancez et plus vous allez croiser de monde, plus vous allez croiser de juges se déplaçant en groupe, de contingents d'hospitaliers voguant à droite, à gauche. D'ailleurs, j'imagine que vous pouvez les prévenir si vous le souhaitez, ce que vous avez vu de l'attaque que vous avez, dont vous avez été témoin un peu plus tôt dans la journée. Ah ben moi, au hôpital, j'en ferai... D'accord, toi tu attends d'être au hôpital. Écho. Et au hôpital, je parlerai du juge que j'ai croisé au sud-ouest, là, où je sais pas quoi, qui a trouvé... Voilà. Très très bien. Finalement, enfin, vous voyez les murailles de la ville qui se dessinent devant vous à l'horizon. Cette grande ville de fer, vous vous approchez de l'une des entrées. Vous voyez l'hospitalier qui monte la garde, qui vous laisse passer sans broncher, étant donné que Torek est avec vous. Contrairement aux autres paysans qui sont tout de suite soumis à un examen très rapide, mais tout de même. Et vous vous retrouvez là dans les grandes rues de la ville, qui sont très animées. Vous voyez les ferrailleurs qui rapportent leurs trouvailles tout pressées au niveau des alcôves des chroniqueurs. Vous voyez des gens qui déambulent dans la rue, déjà sous, à cette heure de la journée, alors que la nuit est à peine sur le point de tomber. Vous voyez des Jamethans qui se dirigent vers le quartier de Jamethans de la ville, justement, et qui défient du regard les anabaptistes qui les regardent depuis l'autre côté de la place. Et au milieu de toute cette agitation, également des clients ressortant des alcôves et se précipitant en direction des bordels tenus par les apocalyptiques, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Eh bien, moi je vais rejoindre tout simplement la nuée de l'obsidienne afin de retrouver les amis, quoi, Axel, tout ça. Très bien. Thoric, de ce que j'ai compris, tu les accompagnais juste en ville et puis tu te rendais au hospital ? C'est ça. Par contre, Mokosh, qu'est-ce que tu fais ? Et Mokosh ? Moi, je... Et d'ailleurs, vous n'avez plus vraiment d'appartement en ville, vous n'avez plus... louer une chambre à une époque, mais pour l'instant, oui, ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, chez les apocalyptiques, je peux toujours trouver un endroit où dormir. Bien sûr, bien sûr. Non, je vais aller dans un bar. Seul ? Bah, les autres, ils vont faire leur truc, hein, je vais dans un bar. Mais tu peux venir avec moi, c'est un truc apocalyptique. Ouais, mais ils font chier à force, ces apocalyptiques. Mais... C'est pas gentil, ça. Bon, bah oui, je vais au machin là. Avec les apocalyptiques, mais après je me séparerai pendant qu'elle va faire ses affaires cheloues là. Mais... Thoric, toi tu te rediriges vers l'est. Toi tu sais que t'as encore de la marche hein, qui t'attend avant de te rendre à l'hôpital, mais bon, tu vas y arriver, c'est pas non plus très très très loin. Mm-hmm. Enfin. Si, sans doute quand même, et d'ailleurs, chemin, j'imagine que vous pouvez conclure d'un lieu de rendez-vous en dehors de la ville pour le lendemain. Oui, si c'est plus pratique, oui, je suppose que c'est ce qu'on a fait. Parce que si... Ça évitera si Thoric de faire un aller-retour pour rien. Oui, oui, non, je pense à ce qu'on a fait. Enfin, genre, je pense qu'on a l'habitude des retours à justicienne. Bien sûr. Vous avez aussi ça, vous avez conclu de vous retrouver vers une auberge où vous avez déjà rendu quelques. Vous deux, justement, vous vous dirigez vers l'épave. Alors, pour l'épave, pour rappel, elle n'appartient pas à la nuée d'obsidienne, mais la nuée d'obsidienne, par alliance, a parfaitement le droit de s'y rendre et il travaille même en bonne partie. Bon, je la brûle pas, alors. Plus vous vous approchez de l'épave, et plus vous voyez que, mine de rien, ça a pas mal changé depuis votre absence. La nuit est, cette fois-ci, quasiment tombée. Hein. Vous entendez... les moteurs de moto apocalyptique qui font un peu les fous devant. En effet, alors c'est vraiment un luxe de posséder une moto, mais voilà, certains exhibent comme ça leur influence et leur possession devant tout le monde. Je les vois tellement en gros beauf torse nu. Mais c'est presque un peu ça, hein, en soi. Bière à la main, pour la plupart. Allez, les filles, vous voulez monter quand passer... C'est ça, c'est quand on voit. Allez, les filles. Et un tour. Peut-être pas à ce point-là non plus, mais... C'est le cachet du gros bouffe. Dans tous les cas, vous vous posez à l'intérieur de l'épave. Ce soir-là, il y a un petit show qui est organisé avec un cracheur de feu sur scène. Alors je précise, il se trouve pas à l'intérieur même du bateau, mais du coup sur une scène à l'extérieur. Ce qui est même beaucoup moins dangereux. Oui, effectivement. Vous reconnaissez quelques têtes, vous voyez, parce que... Comme toujours à l'épave, c'est la fête, vous voyez vraiment ça. L'alcool coule à flot, les gens couchent à moitié nus devant tout le monde, parfois même les tables. Les apocalypse. Ça danse aussi beaucoup, c'est Magouille et compagnie qui s'organisent autour des tables. Vous avez des pies qui vous abordent, des marchands de brûlures d'ailleurs. Ah, ça fait du bien. Oh, ça c'est intéressant. J'ai... Avec parfois quelques échantillons gratuits qui traînent ici et là. En soi, c'est la règle. Hein. Si un bourgeon est posé sur une table et que personne n'est là pour le surveiller, c'est qu'il appartient à personne. Ou à tout le monde. Comment tu peux ne pas aimer cette ambiance, franchement, les gars. C'est le meilleur. Vous sentez aussi le doux parfum de la nourriture qui chauffe dans l'arrière-salle. C'est vrai que ça vous manque un peu, mine de rien, de manger aussi bien. Parce que les cuisiniers à l'épave, mine de rien, c'est pas des merdes. Parce que la nourriture, c'est important. Surtout pour les apocalyptiques. Bien manger, c'est vraiment une espèce de priorité pour certains d'entre eux. Et parmi justement toutes ces têtes, vous reconnaissez quelques-uns. Vous voyez Angel, la fille avec qui vous aviez eu affaire, qui a quand même un peu cicatrisé depuis la dernière fois. Quand il vous aperçoit, il vous fait un signe de la tête et puis il vous paye un verre. Oh. Alors, vous êtes allé voir Adalbert ? Je suppose avec vous là au niveau du comptoir, pendant que le barman vous tend vos verres. Je réponds. Mais je t'avoue que genre... En fait, genre, je vais faire la conversation, mais sans vraiment y être. Tu vois, genre, je suis vraiment en mode... plus à chercher... Oui. Si je peux pas tomber sur accès ou autre chose. Tu vois, genre... À part si Mokosh fait vraiment en conversation, du coup, ça sera que des réponses bateau en mode... Oui. Oui. En effet. Très bien. Tu recherches un petit peu du regard et tu aperçois la corneille. Donc ta corneille, Axel, qui rentre au bout d'un moment. Elle est accompagnée par deux nouvelles pupilles à elle. Est-ce que tu vas l'aborder? Est-ce que tu attends qu'elle vienne vers toi? Pour l'instant, elle ne te voit pas parmi le flot de personnes qui se trouvent ici. Bah c'est bon. Si je vois en fait genre qu'elle a pas l'air occupée, oui, j'y vais venir. Oh, pas spécialement, tu sais, les apocalyptiques. Non mais c'est quoi ça? On a des occupations, hein. Non, mais... Genre dormir. Mais c'est une occupation déjà. Et puis genre, on gère des trucs, on gère des business. Enfin genre, c'est des occupations. Faut arrêter de juger macronisme. Va. Abby. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Oh bah on. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu. Oui, je sais. Enfin, tu sais que moi, justicienne. Oui. Mais on passait par là et du coup on s'était dit pourquoi pas passer la nuit ici. Ok, je vois. Et bah écoutez, profitez bien. Quoi de neuf? Je vais être content. J'étais à Carf. Je sais pas si t'es déjà allé. Si, oui, j'y suis déjà allé une fois ou deux. Au sud, du coup, de justicienne, je pense. Si, même c'est ça, sud-ouest. Ouais, il y avait une nuée là-bas. D'ailleurs, est-ce que je connaissais le nom de la nuée là-bas? Je sais pas si je l'ai vu. Tu t'en rappelles pas trop souvent. Souvent, les gens en parlaient plutôt comme la nuée de Carf, tu vois. C'était. Ouais, bon, il y avait une nuée là-bas. Malgré tout, bon. Non, c'était juste pour savoir. De toute façon, ma phrase, c'est qu'il y avait une nuée là-bas. Et. En fait, leur corneille, c'est à ce qui paraît suicidé. Et il y a eu un changement de direction et le truc c'est qu'elle s'est suicidée, les coffres totalement vides, tu vois. Et par chance, quelques jours avant, on est tombé sur un apocalyptique qui n'a pas eu la chance de survivre avec un sac rempli de lettres de change. Et, ouais. Ouais, cette histoire est très tirée par les cheveux, mais tu vas voir, la finalité est cool parce que finalement, j'ai pu... négocier en leur offrant leur tout simplement en leur offrant ce sac rempli de lettres de change pour que la corneille puisse démarrer à nouveau et du coup en échange le jour on a besoin d'eux et en fait genre ils nous sont soumis quoi, enfin genre ok, j'ai fait ça au nom du coup de notre nuée et attends, t'es en train de me dire que tu t'es acheté la nuée de Carf, c'est ça? Pas qu'à moi en fait, à nous, genre totalement. Tu le vois qui se met à rigoler et puis qui tape dans le dos en mode sacré habit. C'est eux qui t'ont donné cette tenue? Plutôt. Alors n'en parle pas parce qu'en fait ils m'ont pas vraiment donné. Hein, Ah ok, d'accord, oui. Ok, je vois. C'était un don de mon choix. Ouais, t'inquiète, je vois. Et sinon, toi, comment ça va, Morcorte? Je vois tellement Mokosh briser son verre en mode quoi? Tu vois, Mokosh, toi, Axel, tu l'as déjà vu quelques fois, et tu sais en effet que c'est un petit peu le celle qui a tout appris à Abby, donc sa corneille, entre autres. Mais il pourrait éventuellement avoir en effet quelques tensions entre vous deux. Puisque tu disparais un petit peu lorsque Axel se trouve dans les parages. Ah, n'empêche, là est à chercher. Morcorte. Oui, ça va. Ouais, cool. Franchement, ouais. Bien, super. Ma meilleure conversation du monde. Ouais. Carrément. Cette volonne, elle la capte à moitié, tu vois. Elle a l'air complètement sous déjà. Alors que la nuit vient à peine de tomber. La nuit. Du coup, vous êtes venu ici pour faire la fête, c'est ça? Se reposer surtout, parce qu'on a encore du trajet à faire. Ah, vous repartez déjà? Oui, mais tu sais que moi, justicienne. Ah, mais vous pouvez pas venir et repartir justicienne sans faire un coup, au moins. C'est... J'ai bien peur que si. Hein. Après, oh, bah, allez, On profite de la soirée, mais... Justement, ça pourrait être marrant d'aller... D'aller foutre un peu la merde, quoi. Qu'est-ce qui vous tenterait? Ah, je sais pas. L'autre jour, on s'est amusé à couper les cornes des chèvres dans le quartier de Jamethan. C'était pas mal de les voir courir le lendemain matin. Ouais, ça devrait t'amuser. Je sais que t'as toujours été très... intolérante. Je suis un modèle de tolérance. Ouais. Ah, c'est vrai que ça peut être tentant, mais faut marquer le coup, le fait qu'on soit sur justicienne, c'est vrai. Sinon, il y a bien un truc. Tu vois, là, le prend tout de suite un ton un petit peu plus sérieux. Écoute. Vous vous rappelez de Ada? L'Africain que vous m'aviez présenté. Oui, oui. Il nous a quittés. Ah merde. Mais non. Enfin, il est pas mort, hein. Ah. Ça serait juste à repartir. Il a perdu son dernier match. Et ça lui a pas trop plu. Faut dire que pour l'instant, il avait un peu la réputation d'être invaincu. Et puis donc... Se faire humilier de la sorte... Non mais... Je t'en rends... Ah merde. Mais du coup, il va faire quoi? Il se casse? Je sais pas, ouais, il dit qu'il a été contacté par des gars. Je veux pas trop savoir ce qu'il veut faire. Ça vaut le coup d'essayer de s'en faire un contact Perrin. Du coup, si tu en parles, c'est que t'as. Ouais, je l'ai un peu mauvaise. Son adversaire, c'est. Un mec un peu chelou, sorti de nulle part. Et j'aimerais bien lui faire payer. Alors bon, c'est purement de la vengeance personnelle, mais. En soi, si personne sait que c'est moi ou. Enfin. Ou que l'ordre vient de moi. Pose pas de soucis. Mais du coup. Dis-moi. Mais du coup. Oui. Bah, de genre. Tu voudrais, genre, quel genre de vengeance? Ouais, comment on doit le tuer, quoi. Non, vous êtes pas obligé de le tuer, mais bon. Je sais pas, faire comprendre. Oui, je sais pas, fallait nous laisser gagner, quoi. Alors, du coup, on a deux choix. Et j'essaie de vraiment essayer de prendre en compte la Mokosh et l'incarnation, genre, limite me tourner vers elle pour que elle comprenne que, genre, bon, viens avec nous. soit, du coup, on s'en prend directement à lui physiquement. Soit on peut s'en prendre à quelque chose qu'il aime. Mais du coup, est-ce que tu sais, genre, s'il a des. Quoi que ce soit ici qu'il y a apporté, si. Ah, j'aime ça. Vicieuse, hein. Vicieuse. Putain, t'as pas changé. Ouais, c'est bon. Il y a son père qui est très croyant et qui habite en ville. Ouais. Alors, je sais qu'il avait payé les services d'une espèce de sorcier itinérant, un truc un peu chelou, hein, le genre de délire complètement. Enfin, bref. Ouais. Et du coup, je sais pas, je me dis, ça pourrait être rigolo de. Je sais pas. Non, mais elle commence, elle finit pas, mais c'est quoi ça? Au bout du jour. Ouais, je suis pas aussi créatif que toi. Ah, mais c'est toi bon, qui parle. Si on touchait son vieux, ça pourrait être marrant, quoi. Surtout que, bon... un vieil hébervier, ça fait un peu tâche dans le décor de Justicienne. Mm-hmm. Je sais pas, Mokosh, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, elle est pas claire, j'ai décroché. En gros, elle propose qu'on s'en prenne à... Non, il faut qu'on répète. Attends. Non, c'est juste que... Je suis un peu dans un autre état, donc si jamais tu veux me comprendre, il faut que toi aussi tu sois dans un autre état. Et tu vois là, elle sort de sa poche une poignée de bourgeons qu'elle pose sur la table. J'en prends. Mais c'est rien. Ça sera tout de suite plus clair. Ah, clairement. Vous la sentez qui tangue un peu hein, comme ça quand elle parle. Je me demande toujours comment tu fais pour réussir à... À gérer une nuée dans ton état, mais. Ouais. Tiens, un jour ça se retournera contre toi. D'ici là, je te suis. Je vais en prendre un ou deux, mais rien de. Très bien. J'ai pas me la foutre mal comme. Tu commences à choper un bourgeon, tu le perces avec une aiguille qui traînait, et puis tu commences à en inhaler le contenu. Tu vois, tout de suite, tu sens. Tes muscles chauffés. En effet, t'as une sensation comme si t'entendais plus de choses autour de toi, comme si tout était plus clair. Ça t'en dit pas plus sur celle que sur ce qu'elle t'avait dit, parce qu'elle l'a dit avant que tu consommes de la brûlure, donc au final, ça sert pas à grand chose. Mais tu sens un réel changement dans ton comportement. Tout a l'air plus simple, plus futile, plus éphémère. Tu dis en soi, je pourrais casser la gueule d'un type juste là, tout le monde s'en foutrait, il y aurait. Ça, par contre, c'est vrai. Il y aurait aucune conséquence, quoi. C'est vrai. La vie a l'air plus simple tout de suite. Et puis tu chopes le deuxième. Et là, tu commences à avoir des espèces de flashs. Tu vois, lui. Ouais, elle passe un peu moins. Tu vois, ça. Fais-moi un jet de volonté. Ah oui, non, alors... toi, c'est foi plutôt. Hein. Ouais, moi, c'est la foi. C'est chez foi. Bah, ma poche, tu me dégoûtes. Je me drogue et c'est avec la foi que je dois réagir. C'est rigolo. Alors, j'ai une seule réussite et c'est un déclencheur. Ok. Tu commences à ressentir une espèce de vieille angoisse. Tu dis au final, est-ce que Dieu nous aurait pas abandonné? Comment ça se fait que... Même si de base t'étais plus dans l'idée vraiment de mieux connaître le démiurge, le mal, en le laissant en partie te contrôler, mais seulement en partie. Mais au final, est-ce que c'est pas s'abandonner? Est-ce que vous avez pas déjà perdu d'avance? Est-ce que... Tu vois, tu te sens comme ça un peu reclus sur toi-même, ça... Tu sais même pas du tout ce que tu viens d'inhaler. Toi, c'est marrant, ça. Est-ce que Torik serait... n'aurait pas raison? Est-ce que Torik n'aurait pas raison? Est-ce qu'au final, l'hospitalier... Alors là, par contre, Mokosh, tu commences à penser ça, je me sentirais très trahi. En tout cas, là, ce que je viens de te dire, c'est vraiment les premiers sentiments qui passent devant toi. Ouais. Au final, tu ressens juste une espèce de légère angoisse. Rien de grave non plus, hein. Tu vas pas te mettre à déprimer ou à pleurer devant tout le monde. Ce qui est parfois l'un des effets de l'alcool, mais là, la brûlure... se contente juste, du coup, de... d'altérer ta personnalité. Sans doute, je pense à toi. Hein. Mokosh est mise à nu. De ton côté, Abby, qu'est-ce que tu consommes? Mais je consomme les brûlures qu'elle a sorties. Après, Ouais, tu finis ce qu'il y a sur la table ou tu t'en prends juste? Bah, je finis ce qu'il y a sur la table. Après, je prends tout. Ça, genre, si elle en a mis 6 et que mon coach en a pris 2, je prends les 4. Hein. Moi, je m'en fous. D'accord, très bien. Mokosh, jette-moi un D6 et Abby, jette-moi 2 D6. Pourquoi? Attends. 3. Pendant ce temps-là, moi j'ai un frisson dans le dos. Je te donne l'addition. Oui. Bah du coup ça me fait 5. Très bien. Vous allez donc gagner, donc pour toi Abby, 5 points. Ouf. 12 pour relation. J'en ai consommé combien, juste pour savoir ce... Du coup, 2, 3, ou peut-être même 4 qui traînaient. Au final, tu fais même plus trop gaffe. 5 de... Attends, parce que 5 de sporisation, c'est quoi? Oui, ça, du coup, là. Toutefois, je précise quand même, comme d'habitude, avant que les vrais effets commencent à se révéler, parce que là, tu passes à 9 sur 10 en sport, forcément, vous allez récupérer de... Je crois que ça s'appelle de l'EX, qui traînent sur la table, pareil, qui sont distribués à droite à gauche, qui permettent de diminuer justement votre taux de sporulation. Et toi, Mokosh, tu en as chopé 3, enfin j'ai fait 3 avec le dé. Très bien. Et du coup, ça baisse pas naturellement, c'est ça, genre le... Je sais pas comment il fonctionne, je sais pas. Ouais. Mais du coup, c'est chaud. Ah oui, c'est le genre de truc qu'on peut pas changer sur la fiche, ça. Merde. C'est, oui. Ça. C'est pour ça que oui, c'est... Oui, le... je l'ai fait moi-même. Ok. Ok, donc... Du coup, moi, j'ai des frissons dans le dos, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mauvais pressentiment. Dans toi, Touric, tu te rediriges en direction de l'hôpital. Mm-hmm. Tu vois, ça va te prendre un peu de temps, mais finalement, tu croises la route de cavaliers hospitaliers et ils te laissent gentiment accéder à l'un de leurs chevaux. Alors, il te le donne pas complètement, mais je veux dire, du coup, tu vas monter avec une autre personne. Quoi. Ouais. Non, simplement, vous êtes deux sur un cheval, et ce qui te permet d'arriver beaucoup plus vite en direction de l'hôpital. Ils sont bien aimables. Une fois là-bas, comme d'habitude, tu vas repasser la suite d'épreuves qui. Ah, moi, ma préférée. Posée à tous les hospitaliers. Un grand moment donc, de plaisir. C'est ça. La son purge. Toujours aussi désagréable, mais toujours aussi. On va dire bienfaisant pour toi parce que lorsque c'est fini, tu te sens purifié de toute. Exactement. Et on te tient également au courant, on te fait quelques, on va dire, prises de sang, quelques analyses sanguines par rapport à ton état de santé. Tu vas mourir. Là, je suis en train de me dire, mais en fait, si là, imagine, je ne sors plus jamais, genre, si j'aurais fait 12 sur mes dés, est-ce que j'aurais du coup fait une surdose? Tu aurais pu, oui. D'accord, oui. Donc, en fait, est-ce que je peux c'est, pas... En fait, sachant que... Pardon que alors en théorie, oui, mais c'est, comment dire... en fait, la valeur maximum que tu as en sport, je crois qu'il faut la doubler pour que... Ouais, non, ça va, j'aurais quand même... Ça, en fait, quand tu dépasses le seuil, tu commences à avoir sincèrement, enfin, sévèrement de gros effets. Et tu peux d'ailleurs gagner des points de sporélation permanent. Oui, ça tu... Ouais. Mais non, on n'y est pas encore. Ok, ok. Et non, puis, encore une fois, vu que ce n'est pas instantané, tu as le droit, enfin... si jamais, là, tu par exemple, tu quittais la soirée comme ça, sans tenter de diminuer ton taux de sporélation... en effet, tu commencerais sincèrement à avoir des... ça t'est déjà arrivé, quelques effets secondaires. Ouais. Mais vu que ça prend un peu de temps à arriver, ça dépend... Il est proche. Non, mais d'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir par rapport au... Tu vas faire bouger mon petit... Peut-être un jour, je vais perdre la vie comme ça, juste on va réaliser quoi. Tu vas faire bouger mon petit... mollusque. Ah, mais tellement, mec. En fait, je suis sûr que si Abby ne meurt pas de malchance au combat, elle mourra comme ça. Elle mourra de mon dilacérateur. Non, mais ça va être une rockstar, Abby. C'est genre, on va la retrouver totalement en overdose dans les toilettes. Ça va faire merde. Et du coup, que faites-vous globalement de cette soirée, du coup? Est-ce que vous décidez en effet d'aller tabasser le mec qui a réussi à vaincre votre pote Rada, ou vous en prendre à son père? Vu le taux de brûlure qui est actuellement dans mon sang. C'est ça, vous avez l'impression d'être plus fort, d'être plus rapide, d'être plus résistant. Lorsque vous déambulez un peu dans les rues, vous avez parfois soudainement l'envie de grimper sur un banc par exemple et d'essayer de courir le long. Parce qu'évidemment, en plus de la brûlure, vous avez également consommé de l'alcool. Je vais vous demander combien de verres vous avez pris, ça n'aurait pas d'intérêt, mais Vous êtes vraiment dans un effet complètement fou, quoi. Vous ne savez même pas combien de temps sur place à danser ou. Et du coup, je suis chaud pour aller. Ou ouais, être complètement dépressif. Exactement, ouais. Mais du coup, je sais pas, est-ce que Mokosh, elle. Si ça prouve, moi je vais juste avec Axel et on a essayé Mokosh, ça serait super triste, mais. Moi je me suis couché sur le. En bad trip. Il fait un bad trip, Mokosh. Je me suis couché sur le sol et je pleure. Dieu, sauve-moi, Dieu. Oh merde. Ne me laisse pas. Partout, on va tous crever. Torik, viens m'aider. Ah. Bah du coup, ça veut dire que bah du coup oui, j'ai abandonné Mokosh sous l'effet très bien. Excitant et on est parti emmerder le petit vieux, genre casser ses objets, okay. Brûler sa maison. Quel est ton plan exactement? Tu vois, t'es reparti avec Axel. Vous n'êtes pas, sauf si tu le souhaites, accompagné, parce qu'il y a un petit peu ce côté retour en enfance où vous n'étiez que, enfin, bon, elle pas trop, mais quand même, tu vois, ce côté on se détache de la nuée et là on part faire ça en solo au bon vieux, comme au bon vieux temps, quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu souhaites faire exactement? Est-ce que tu as prévu quelque chose ou tu souhaites juste improviser sur le tas? Vu l'effet, enfin, genre vu l'état auquel on est, je pense que c'est vraiment genre, tu sais, les gosses relous, tu vois, qui viennent gagner la voiture du petit vieux. Tu vois, c'est l'idée, c'est genre on va rentrer, on va casser tous ces vases. Et après, quand il va se réveiller en faisant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» On va partir en courant. Ouais, ouais, voilà, exactement. Vous arrivez au niveau de la base ville qui est un petit peu plus, un peu plus pauvre que les autres. Et puis, au niveau de ce qu'ils appellent le port, même si c'est pas un vrai port, mais ça y ressemble un petit peu parce qu'il y a une zone qui n'est pas habitée. Vous avez une espèce de petite baraque un peu miteuse. Au moment où vous arrivez devant, tu vois qu'elle la pointe du doigt, elle te fait « C'est là !» Alors on y va ? Ok, ok. Vous en approchez. Bien sûr. Tu regardes par la fenêtre. Tu vois pas grand chose, elle est vraiment très sale cette fenêtre. Tu sembles distinguer une table et quelques meubles à l'intérieur. Mmh. Bah, du coup, si. Bon, on va rentrer. Genre. Si la porte est fermée, okay. Bah, on passe par la fenêtre. Hein. T'essayes d'ouvrir la porte, en effet, la porte est fermée. Tu peux tenter de la crocheter. Mais ça sera pas aussi facile que. Oui. Non, mais vu l'état de l'extérieur, moi je suis chaud pour essayer de briser discrètement. Hashtag. Ouais. C'est bien connu, hein, c'est discret, une fenêtre qui se pète. Mais du coup, disons d'un point de vue drogué, ça peut paraître discret d'essayer de péter la fenêtre, genre avec moindre objet qui traîne par terre. Ok, tu vois une poubelle. Bah ouais, c'est parfait, c'est discret les poubelles. Okay. Vous approchez de la poubelle, vous commencez à essayer de forcer et puis vous l'arrachez à la barre de fer à laquelle elle était attachée. Vous approchez de la fenêtre, fais-moi un jet de force. Ok. De son côté, tu vois Axel en train de se marrer en te voyant agir de la sorte. Oh, oh putain, mais ce jet, incroyable. Oui, d'ailleurs, tu peux me jeter un dé supplémentaire. Ah, oh bah merci. Deux dés supplémentaires, par contre. Ah, et bah merci parce qu'il a servi à rien le premier. Et le deuxième non plus, en fait. Du coup, j'ai fait trois réussites, dont un déclencheur. Ok. Tu vois, tu jettes la poubelle, t'exploses la fenêtre dans un vacarme complet. T'es discret. Mais tu peux rentrer à l'intérieur. Bah je rentre à l'intérieur et... Fais-moi un jet de dextérité, cette fois-ci pour rentrer avec un malus de 2D. Ce qui n'est pas grave, parce que j'ai augmenté de 1, donc je me sens... Ou de mobilité, pardon. Enfin, dextérité ou mobilité. Je prends dextérité, c'est parce que mobilité, j'ai pas envie de mourir maintenant, mais... 1, 2, 3... Du coup, malus de 2, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 5D, ça va. Une réussite. Ah merde! Ouh, c'est pas ouf ça! Bah, du coup, j'ai fait deux réussites sans déclencheur. Ok. Au moment où tu passes, tu vois que t'évites presque vraiment de justesse une espèce de gros bout de verre qui était resté au niveau de la fenêtre et qui aurait pu complètement t'ouvrir le flanc. Ah putain, ça a été une belle mort. Bon, sans doute que ta tenue aurait atteigné le choc, mais quand même. C'est vrai, tu commences à rentrer à l'intérieur. Tu vois au niveau de la porte la clé qui est dessus. Déjà, je la vole. Pour l'ouvrir. Tu peux également, du coup, enfin, ouais. Ça dépend si tu. Bah, j'ouvre la porte, comme ça, si on a besoin de partir en courant, je peux. En fait, j'ouvre la porte à clé, puis après, je la mets dans mes poches. Ok. Comme ça, il sera niqué à vie, ce mec. Tu vois Axel qui rentre, qui a l'air fier de toi, c'est toute contente de ce qui est en train de se passer, alors que ça n'a pas vraiment de sens. Vous vous retournez, vous constatez que la pièce, en effet, contient des espèces de petites... En fait, toute une collection de vieilles bouteilles en verre entreposées sur des placards. Mine de rien, c'est une petite valeur, ça, de nos jours. Ce qui ressemble vraiment à un peu être la passion de la personne qui semble habiter ici. Okay, donc qui est sans doute d'ailleurs dans une chambre à part, mais tu fais pas vraiment attention si est-ce qu'il y a du bruit ou pas qui semble se diriger dans votre direction. L'idée elle est très simple, mm-hmm. Bah, toutes les bouteilles vont finir par terre en morceaux. Ok, tu vois que certaines sont pleines d'ailleurs. Osef. Ok, tu commences à choper une bouteille de vin. Qui a peut-être, tu ne le sais pas, mais plus de 500 ans, mais sur le coup tu te poses pas la question. Ah. En tu vrai, la prends et tu l'éclates par terre. Pardon ? Le joueur commence à détester Abby. C'est super drôle. Tu vois, t'as la corneille, elle, qui se marre, qui commence à rigoler, et puis à timiter. Elle chope un truc, elle l'éclate. Et pendant ce temps-là, tu commences à entendre des bruits de pas d'une personne qui se dirige dans votre direction. Du coup, pour aller plus vite, je avec mon avant-bras, de faire une grosse vague pour toutes les faire tomber... Ok, tu commences à faire une grosse vague, t'envoies toutes les bouteilles valser sur la porte qui est en train de s'ouvrir. Et tu vois une dame qui doit avoir la trentaine, rouge, des cheveux frisés. C'était pas un père. Tu commences à crier en vous voyant. Mais... C'est goût de maison. commence à hurler, elle est complètement folle. On court. Les bouteilles Run. C'est genre run away, c'est genre ciao. Ok. C'est sympa. Très bien. Tu commences à te précipiter dehors. Fais-moi un jet d'athlétisme. Je suis presque sûr qu'on s'est trompé de maison. génial. Sur 2D, j'ai fait 2 réussites, dont un déclencheur. Pardon. Très bien. J'ai fait un jet pour ta corneille. Ouais, beaucoup plus de dés que moi. Oh. Bon bah pareil, elle s'en sort sans aucun souci. Vous commencez à courir la rue, vous poursuivez quelque temps et qu'on vous jette une pierre ou deux qui vous rate et puis vous tournez dans une ruelle, vous arrivez à vous planquer. À ce moment-là, en effet, tu vois ta corneille qui commence à se marrer. Putain, c'était pas la bonne maison. Oh merde. Bon bah tant pis pour la vengeance, c'était ça. Je sais plus où il habite du coup. J'étais persuadé que c'était là. Bon, on ferait mieux de retrouver Morcourt. Je crois qu'on a perdu route. Ouais, en effet, parce que j'aime pas qu'elle reste au sol. Oh, ça me dérange pas. Oui, c'est normal, c'est pas ton ami. Ça fait sens. Et vous repartez en direction de l'épave. C'était une soirée sympathique. Pendant ce temps-là, Mokosh, qu'est-ce que tu fais? Tu restes vraiment un peu dans ton état second tout le long? Je pense que j'y reste dedans, tu vois. Genre, je parle de grandes réflexions sur ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi le monde est condamné. Ok. Et d'ailleurs. En mood. Tu vois, alors que t'étais un peu en mood de dépression, justement, qu'il y a une personne qui s'est posée à côté de toi. Un anabaptiste aussi. Un orgastique, d'ailleurs, ça se remarque assez facilement. Et même sans vraiment trop que tu lui répondes, il commence à partir dans des grands débats philosophiques, à surinterpréter tes propos. alors que tu dis rien, en fait. Tu vois, mais il te regarde et puis là, ouais, je suis complètement d'accord, putain, c'est fou, mais les hospitaliers, c'est vraiment... C'est vraiment comme les juges pour les Africains, quoi. Il y a vraiment toute une... Comment tu dirais, toi? C'est des enfoirés. Ouais, c'est ça. C'est vraiment genre des enfoirés. Ouais. Mokosh qui se stabilise. Maintenant, tu vois, tout n'est ni noir ni gris, au final. Tout est en nuance de blanc. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Ouais. Comment ça, en nuance de blanc? Bah, c'est entre le gris et le noir, tu vois. Ouais, je vois. Bon, allez, tu me fais marrer, je te paye un verre si tu veux. D'accord, ça marche. Bon, du coup, il m'installe à côté. Je bois. Prends ce que tu veux. Et ben, je prends le plus possible. Bon, sinon, t'as un nom? Ouais, Mokosh, je crois, un truc comme ça. Oh putain, ouais. Et toi? Ouais, j'en ai un aussi, ouais. Ouais, mais c'est quoi? On te fout pas de moi, hein. Je m'appelle Toutes. Toutes? Ouais. D'accord. Rigole pas, hein. Non, mais je rigole pas. Ouais, vaut mieux. C'est finalement Toutes en nuance de blanc. Toutes en nuance de blanc, exactement. Putain, mais tu m'as trop cerné. Exactement. Mais du coup, tu parlais de quoi? Je parlais de l'abus de pouvoir. Ah, et l'abus de pouvoir. Ça me révolte. Ouais, bah je comprends. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, ça me révolte. Il t'avait arrivé un truc pour que ça te révolte? Non, parce que le pouvoir, au final, c'est plus moi qui en abuse, tu vois. Parce qu'au final, lorsqu'on fait quelques campagnes, j'ai beaucoup voyagé, et ouais, c'est nous qui allons soumettre, mais ça me révolte, tu vois, je trouve. Ouais, je vois, j'imagine. Moi, je comprends pas, parce que moi, j'en suis à ma première campagne. Ouais, mais tu verras. Ça me tient trop méta, là. Mais du coup, ça consiste en quoi, ce que tu fais, toi? J'essaie de convertir des gens en culte et de tuer ce qui m'a pas l'air bon. Ouais, je vois. Pas les innocents, hein, j'ai jamais tué d'innocents, moi, mais... Enfin, c'était pas... Non, c'est pas qu'ils étaient pas vraiment innocents, parce que j'ai vraiment jamais tué d'innocents, si tu veux, mais ça m'est déjà arrivé de péter les plombs, en soi. Ouais. Il n'y a jamais eu vraiment de graves conséquences. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je vois. Ouais, non, mais... Je crois que je comprends. Peut-être. Ça dit qu'on sorte un peu prendre l'air, là, je commence à avoir sincèrement chaud. Si tu veux. Allons-y, alors. Je vais sortir au niveau du pont. Tu vois, en bas, bon, il n'y a pas d'eau sous ce bateau, mais simplement, du coup, la terre qui, du coup, à quelques mètres de vous. Putain, t'imagines si tu sautais de là? Bah, je pense qu'on meurt. Ça vaudrait le coup d'essayer. Mon coche, t'as pas le droit de quitter la campagne comme ça. Juste pour savoir. C'est vrai. Ça te dirait pas de sauter? Bah, c'est vrai que c'est tentant. Mais il faudrait peut-être essayer avec quelqu'un d'autre d'abord. Je suis complètement d'accord. Pourquoi pas les deux apocalyptiques là-bas? Tu vois, ils pointent du doigt deux personnes qui sont en train de rentrer sur le pont. Abby et sa corneille. Ah! Ah bah attends, je les connais, je vais leur demander, tiens. Ok, vas-y, ouais. Franchement, je suis complètement d'accord. Hey, les filles! Ça vous dit de sauter? Non, on fait pas ça en public, voyons. Non, mais pas ça. sauter par-dessus le pont. Pour tomber. Mais tu meurs si tu tombes. Ouais, mais on s'est dit qu'il fallait vérifier. Bah vérifie. Regarde, ouais, t'as un acolyte à côté de toi. Moi, on veut pas vérifier tout seul. Tu sais quoi, je t'emprunte ton ami, je vais... Et là, je prends son ami et j'essaie de l'attirer vers le... Putain, mais tu fais quoi, Morcorte? Morcorte, ta mère, oui, allez, vas-y, saute. Oh, mon coche, arrête. Oh. Tu vois, Axel qui commence à se débattre et qui te repousse. Non, mais t'es complètement... Dingo. Oui, non, mais calme-toi, c'est bon, on voulait juste essayer. T'as qu'à essayer avec ton ami. Je veux dire, à la limite, qu'est-ce que tu quittes si on meurt vraiment, qu'est-ce que tu quittes de si important que ça? Je m'en fous de mourir, mais pas comme ça. Mais pourquoi pas comme ça? Putain, mais toi, t'as... T'es vraiment une petite nature, quoi. Deux bourgeons étaient déjà... Ouais, non, mais laisse tomber. C'est décevant. Putain. Pourquoi tu traînes un boulet pareil, Abby? C'est pas un boulet, en vrai, elle est super sympa. Ouais. Eh ben, j'espère, ouais. Mais oui, faut la connaître. Je la prends et je lui fous un coup de boulet. Fais-moi un jet de force. Enfin, ou un jet de... Non, de lutte, j'imagine. Donc du coup, Brawl, si j'ai pas de bêtises. D'accord. Deux réussites, dont... Enfin, deux réussites qui sont des déclencheurs. Ok. Tu la chopes, tu lui fais un gros coup de boule, tu vois qu'elle tombe au sol. Les gens autour de vous s'arrêtent tout de suite dans leur discussion. Wow, wow, wow. Elle se relève, elle chope son épée, et elle essaie de t'attaquer avec le... Pas là, tu vois, de la... Enfin, le... Mince, avec le... La poignée. J'ai oublié le nom exact, mais... Donc pas avec la lame... Mais simplement le côté un peu... J'allais dire la crosse, mais je crois que c'est seulement pour les armes à feu, ça. Mais c'est l'idée, oui, c'est... Oui, c'est la poignée, c'est le manche de l'arme. Très bien, oui, exactement, voilà. Tu peux d'ailleurs me faire un jet de réflexe. Enfin, non, c'est de réactivité ou de mobilité. Donc soit psyché réactivité, soit agilité mobilité. De toute façon, ça revient au même, alors... J'ai la même chose. Et c'est donc... Et j'ai fait deux réussites pour un déclencheur. Une réussite qui est un déclencheur. Ah. Ok, elle arrive, elle commence à te donner un gros coup sur le crâne. Tu vois, t'as essayé de esquiver, mais t'y arrives pas. Tu tombes à l'arrière, tu manques de passer par-dessus le pont. Que je peux intervenir. Vas-y, si tu veux. Tu peux tenter de rattraper Moko, j'imagine. En fait, là, j'étais dans l'idée genre de choper Axel pour genre les écarter. Mais malheureusement, le premier coup est passé. Mais là, oui, Mokosh est simplement en train de trébucher en arrière. Mais c'est pour ça que j'ai demandé là maintenant et pas avant. Parce que oui, t'inquiète. Tu sais, le temps que je réagis, c'est bien que j'ai pas empêché le coup avant qu'il passe. Tu vois. Mais, pareil, fais-moi un jet de psyché réactivité. Mais ça, après, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que genre, si je vois vraiment que Mokosh est en danger, bah, je change d'objectif. Tu vois, genre, c'est Mokosh, quoi. Mais normalement, je suis dans. Je sais pas. Genre, est-ce que j'ai vraiment l'impression qu'elle va tomber ou est-ce que je sais que ça va aller et je peux m'occuper de. Ouah, si elle se reprend un autre coup, c'est vrai que ça pourrait être assez problématique. Du coup, si j'interviens pour Axel, ça passe. Et du coup, je fais quoi comme j'ai, pardon? Du coup, alors, tu veux intervenir de quelle manière? En mode, là, par exemple, lui rattraper le bras pour l'arrêter ou simplement je l'ai chopé physiquement pour la dégager, quoi. Genre, ok, vraiment, oui, donc vraiment la choper. Donc, vas-y, fais-moi un jet de lutte. Ok, pas merde. Okay, Moukosh, tu vas perdre un point. Ça va. Quand même pour le coup sur le... Et ça fait deux réussites sans déclencheur, mais sur 2D c'est bien. Deux réussites, si tu m'as dit. Attention, je peux pas faire plus. Très bien. Oui, tu vois, tu la chopes par surprise, donc elle peut rien faire contre ça. Wow, wow, putain, mais... Puis après, c'est pas... Enfin, genre, c'est pas dans... En mode, je la chope violemment pour la... Enfin, juste... C'est je la maîtriser, quoi, pour mettre un écart entre ça. Vous voyez les gens autour de vous qui commencent un peu à s'affoler, mais pas comme s'ils étaient apeurés par ce qui est en train de se passer, au contraire, tu vois, les gens se réunissent, les bagarres, bon, il y en a très très souvent ici, mais bon, ça fait toujours son petit effet. Et du coup, ouais, je suis en mode oh, on se calme tout de suite, genre Mokosh, tu commences à saigner au niveau du visage. Ben... De son côté, Axel aussi saigne au niveau du nez. Le coup de boule lui a pas trop réussi. moi je suis entre les deux, tu sais, je fais tête gauche, droite, gauche, droite, là, les deux mains tendues en mode on se calme. Fouabi, tu tentes de calmer les. C'est en train de se passer. D'ailleurs, tu vas me faire un jet de charisme commandement. Donc charisma leadership. Ah. Bon, bah, j'ai que 3D parce que le leadership. Et tu peux m'ajouter ton autorité à ton jet de dés. C'est vrai que j'ai autorité. Oh, merci beaucoup. oh, c'est joli. Ça me fait 2 réussites dont un déclencheur. Sur 4D, c'est pas ouf, mais c'est déjà ça. 2 réussites dont un déclencheur. Très bien. Je suis dans la moyenne, c'est ça. Je vais pas te faire 2 réussites. Très bien. J'ai très peur. Tu vois, alors ça aurait facilement pu partir en espèce de baston général. Les gens autour de toi semblent un peu, tu vois. Bon, ils ont compris que toi t'avais pas envie que ça dégénère plus que ça. Oui, en effet. Et puis Axel, alors qu'elle était déjà vraiment partie pour fuir la baston, comme il se doit, qui se calme finalement un peu aussi. Et bon, mine de rien, les gens qui remarquent ça. Écoute, Axel, oh, t'offre un verre. Et t'oublies ça par rapport à mon coche. Elle tient pas les bourgeons. Et... Ouais. Oublie jusqu'à que je revienne un jour, que je marque mon nom sur ton front. Et Mokosh, tu arrêtes. Sinon, c'est moi qui te. Mais elle oublie toujours mon nom aussi, cette pute. Ouais, j'avoue que tu peux faire un petit effort. Mais on s'en fout. Genre, vous oubliez ça tout de suite. Axel, on va aller boire un verre. Et Mokosh, tu t'évites de sauter par-dessus le pont, juste. Très gentil. Tu vois, c'est moi qui ai choisi. Mais non. De quoi ? Mais non, rien, elle a rien dit, elle est conne aussi. Qu'est-ce que t'as dit ? Elle a rien dit, j'ai dit. J'ai dit. Non ! T'as c'est rien dit. Non, mais non, je veux dire, vous recommencez pas. Axel ? Non, mais vraiment, genre. Je sais que des fois c'est drôle de se foutre sur la gueule, mais là non. Non, c'est bon. Tu peux même plus s'amuser. Non, ça ne se passe pas avec Mokosh. Pendant qu'elle s'éloigne, je lâche le manche de ma claymore que j'avais pris pendant que tu discutais. Tout va bien. Tu vois la basis à côté de toi qui te regarde, genre bouge, mais il parle même plus. Il avait un peu sous-estimé ta capacité à. À partir en couille. À t'emporter. Mokosh, on se retrouve dans la chambre et fais pas de bêtises en attendant. Ouais, pas de bêtises. Très rapidement, dites-moi comment est-ce que vous terminez la soirée. Bah du coup, j'essaie de calmer Axel avec des verres d'alcool. Et après, bah j'attends mon coach dans la chambre. Très bien. Est-ce que vous faites d'autres choses en particulier ? Non, je... Notamment le lendemain au réveil avant de retrouver Toric. Au réveil, non. Enfin, genre, mis à part peut-être... Enfin, si, le truc que je fais dans la soirée, du coup, c'est de prendre les trucs pour se calmer au niveau des sports. Bien sûr. Faut bien redescendre à un moment, et je suis pas con, je sais que sur le long terme... Ouais. Vous voyez, vous arrivez à en trouver, vous les payez même pas, mais personne fait gaffe. Vous pouvez chacun de me lancer un des 6. Ah, c'est gentil. Et d'ailleurs, genre... Et vous aurez rajouté 3 au résultat. Ouah, ça fait 9. J'ai fait 6. C'est trop bien. J'ai de la merde. 3, c'est pour l'ego. C'est pas grave, ça fait 6 en moins, c'est... En fait, je viens de réduire, c'est à peu près ce que j'ai gagné. Non, bah ça fait 2 alors. Moi, j'en perds 2. Ok, donc tu fais ça. Mais pour gagner chacune 3 points d'ego. Ok, et peut-être que Mokosh peut avoir un bonus, parce que, genre, peut-être pour la calmer, je peux l'aider la nuit de façon que je... Non, parce que je suis pas allé dans la chambre. Non, je suis trop triste. C'est vrai, je suis en dépression. Charlie m'a pas laissé dire ce que je sais de la soirée. Ah oui, et non, moi, mais... Ce que je fais... C'est que je vais juste continuer à discuter de philosophie qui n'a aucun sens avec mon ami. Et que je vais continuer à boire et que je vais passer la soirée, je sais pas où. Très bien. Je me suis endormi quelque part. Bah, je te réveille, c'est ça, dans un caniveau. complètement couverte de terre et de boue. En entendant simplement les appels d'Abby loin dans la rue qui te cherche désespérément. Autour de l'épave. foutu de la vie. Ça bon, après, quand on appelle, je me montre quand même, mais... Oui. D'ailleurs, vos blessures, vos quelques plaies mineures que vous avez eues ont commencé à cicatriser. Donc j'en ai ajusté vos points de vie. Et moi, elles se sont infectées à cause de la bouffe. En vrai, je serais méchant, je dirais que comme Mokosh n'est pas retourné au bar, elle devrait même pas perdre sa brûlure. Mais je suis gentil. On va forcément pu en prendre avant de partir. C'est vrai que c'est quand même. Mais oui, bien sûr. C'est presque un. Mince. Non, ouais, là je suis. Mais oui, t'inquiète, t'inquiète. J'ai dit que j'étais gentil, donc faut pas le prendre en compte. Toi, Bill, tu resalueras ta corneille et puis vous repartirez. Tu vois, la corneille, d'ailleurs, le lendemain matin, elle n'en reparle même pas hein, de ce qui s'est passé. C'est vraiment. C'est même pas si elle n'a pas oublié, quoi. C'est un peu monnaie courante dans le coin. Oui, bon, elle avait l'air de tourner genre avec une dizaine de brûlures de plus que moi, donc en même temps. Non, mais... C'est ça, pareil, elle a sans doute. Enfin, tu vois un peu passer la fin de la soirée à philosopher. Je suis déçu du coup que Mokosh me l'ait pas rejoint. Ouais. Pendant ce temps-là, Totoric. Oui, j'étais là. Il y a des soirées un peu moins extraordinaires. Ouais, il faut pas se séparer dans le JDR. Non, toi, tu t'apprêtes à retrouver le groupe. T'as passé la nuit au hospital. Oui. Et. J'ai bien dormi. C'est ça, t'as bien dormi. Tu te sens beaucoup plus propre qu'avant. Tu vois, tu te sens vraiment presque un homme nouveau. Tu vois, c'est vraiment une renaissance à chaque fois que tu te rends dans ce lieu. Mmh. Alors qu'à côté, les autres se sont complètement convoyés. Exactement, voilà. Le pire, c'est quand il va nous retrouver et qu'il va avoir Mokosh et Abby qui se font la gueule. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? C'était une nuit. De voir Mokosh tout crade. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai qu'à chaque fois qu'il nous quitte, ça empire, quoi. Genre. Je ne veux pas savoir. L'hygiéniste chargé de s'occuper de toi, qui s'appelle d'ailleurs, l'hospitalier, le docteur False, viendra te voir pour te parler de ton sang contaminé. Bon, écoutez. A priori, vous êtes sur une bonne voie de guérison. Les incidents de la dernière fois n'ont pas l'air d'avoir eu trop de répercussions sur votre système. On va quand même continuer à vous donner des médicaments un peu plus forts que les derniers, pour être sûr. Okay. Ça sent le mensonge. Et veuillez faire des rapports réguliers si jamais vous... à un moment ou un autre... une certaine forme de... pulsion presque animale prendre le contrôle. D'accord. Vous n'avez pas le cancer, je vous le jure. Non, c'est tellement ça, imito, ça se voit. Bon, après, je pense pas, c'est moi qui parle, hein, mais je pense pas que l'hôpital il prenne de. Je ne pense pas, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. L'hôpital prenne de gants avec ça. Ah, sûrement, le comportement est très drôle de. Bon, bah, vous avez rien, mais vous avez des médicaments plus forts, et si jamais vous vous sentez mal, franchement, dites-le, parce que. Non, mais après, c'est pas étonnant de du hôpital de faire ça. Puisque on rigole, on n'est même pas là, on peut pas commenter. Donc on est dans la. On est dans la surprotection à chaque fois. Mais on rigole. Faut pas. Non, je sais, mais j'explique. Voilà. Bon, après, ce n'est que moi qui pense, après, ça se trouve, vous allez aller. Ça serait triste, parce que. Ah oui, ça me ferait bien chier. Sur ce, nous avons continué d'enquêter sur... Enfin, nous avons enquêté sur ce que vous nous aviez donné comme information. Par rapport au juge dont vous nous y avez parlé, écoutez, aucune trace. Hein. Alors bon, ça devait être rien de bien grave. Maintenant, par rapport au contingent dont vous nous aviez parlé, c'est tout de suite plus propice, nous avons pu ramener les survivants. Ah, d'accord. J'ai soigné un des frères, enfin des Je sais pas comment on s'appelle entre nous, si on est des frères, si on est des quoi, des camarades peut-être. Des camarades, oui. Enfin. Oui, des collègues, des docteurs, enfin, ça dépend vraiment. Qui était bien blessé, est-ce que vous savez s'il va s'en sortir? Oui, il fait partie de ceux qui ont été internés des hôpital. Et puis nous allons surveiller son état de santé. Il repartira sans doute pas avant les semaines à venir, mais bon. A priori, il a été sauvé. Bon, bah c'est parfait alors. C'est du bon boulot. Merci. Du côté des autres, notamment Sarah Arash, ils sont déjà repartis. Oui, je sais, ça m'étonne pas d'elle. Elle est revancharde. Bon, allez, bonne chance à vous, famille lancée torique. Merci beaucoup, monsieur. Alors, c'est quoi c'est un... Le docteur Fals, le chef de clinique. Donc, il est de rang 5 pour le coup. Merci beaucoup, docteur Fals. Tu vois qu'il s'incline pour te laisser passer, et puis tu es libre de quitter l'hôpital. Tes vêtements et ton équipement ont été complètement revus à la hausse, dans le sens où tu portes désormais de nouveaux vêtements, que ton arme a été entretenue par les débutants, donc vraiment les recrues pendant la nuit. Ouais, les nouveaux, ouais. Exactement. Donc même si tu te trouves dans l'un des grades les plus bas, tu possèdes quand même ces privilèges de pouvoir repartir. D'accord. Avec un truc tout propre. Comme tout neuf. Nickel. Exactement. Comme neuf. Ok, c'est parfait. De ton côté, Abby, au moment où tu pars, tu noteras quand même que le regard des gens le lendemain matin était légèrement différent de d'habitude. Dans le sens où c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis que t'as quand même défié ouvertement ta corneille devant tout le monde. Ce qui n'est pas un acte très très grave, je ne sais même pas considérer comme la traîtrise, vous êtes des apocalyptiques. Mais tu peux m'ajouter un point à ton historique autorité. Mais après, vu que c'est connu, tu sais qu'il y a une petite rivalité quand même entre Axel et moi. Genre, pas non plus genre normal la première fois. Bon, peut-être pas comme ça, parce que là, c'est vrai que c'était quand même bien public et bien opposé, tu vois, mais c'était peut-être pas non plus. Bien sûr. Ouais. Oui, après, oui, bon, et puis encore une fois, c'est... Je vais pas... Oui, non, je me suis posé la question et je considère que l'autorité, c'est pas forcément le fait de défier une personne. Oui. Tu peux gagner de l'autorité... Ouais, mais voilà. Simplement mais... en faisant preuve, voilà. Ouais, les gens m'ont vu prendre les c'est devants. C'est ça. Ouais. Ça s'est fait en public, à l'épave, donc forcément les discussions, les langues vont se délier, les gens vont en parler. C'est l'un des incidents qui a rythmé la soirée. Donc. Bah, merci, voilà. Grâce à toi, j'ai deux en autorité, je me sens toute fière. Yeah. Je suis content.